age of love began. Your touches thrilled me. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Parlons Cinéma, l'émission où on discute des actualités cinématographiques qui nous ont marqué durant le mois passé, normalement, mais bon, comme on a été absent un peu plus longtemps, on va parler des news d'un peu, enfin, de deux mois, on va dire. Je suis Axel, votre hôte, comme d'habitude, pour ce podcast, mais j'ai le plaisir d'avoir avec moi un invité de toujours, un invité de prestige, Morgane, salut. Une marque emblématique, j'ai envie de dire. Exactement, une marque dans laquelle on peut faire confiance. Voilà. Donc voilà, merci d'être là. Mis de rien. Eddie devait être là, mais il n'a pas pu à cause d'un empêchement, mais on le salue quand même, s'il nous écoute. Voilà, donc oui, j'ai oublié de dire que c'était l'épisode numéro 24, mais bon, enregistré le 19 août 2017, voilà. On va parler des actualités du 28 juin au 19 août, donc date d'enregistrement. Donc ça fait pas mal d'actualités, surtout qu'il y a eu la Comic-Con, il y a eu la Disney D23, donc les conventions, et il y a eu pas mal de bandes annonces aussi qui ont été dévoilées pendant ces vacances d'été en fait, donc on va parler de pas mal de choses. Donc je pense qu'on va tout de suite s'engager dans la première news avec la bande annonce du remake, reboot, on peut l'appeler comme on veut, de Jumanji. Donc on a eu la première annonce, le film sortira en salle le 20 décembre. On retrouve au casting Dwayne Johnson, Kevin Hart, Jack Black et Karen Gillian pour les personnages principaux du film. Donc déjà, le film de base, Jumanji, est sorti, il a 22 ans, donc en 95. Et il est sorti en 95, c'est un film de Joe Johnson, bien sûr. On connaît surtout le film pour la performance de Robin Williams dans le film. Donc moi je vais d'abord te poser une question. Je sais que tu... Enfin, je pose la question en connaissant la réponse, mais qu'est-ce que tu penses déjà du premier, et est-ce que tu penses que c'est une bonne idée de le rebooter, et est-ce que ça te plaît la manière avec laquelle ils l'ont rebooté? Alors moi en fait, pour moi le premier c'est plus qu'un plaisir nostalgique, c'est pour moi un film idéal. C'est-à-dire que si aujourd'hui on pouvait avoir des films grand public comme ça, on serait génial. Parce que Jumanji, c'est quand même... J'ai un rapport particulier avec ce film-là. C'est un des premiers films qui m'a vraiment foutu la trouille et qui continue à me foutre les jetons quand je le regarde aujourd'hui. C'est un rapport très particulier. Oui, le tout des... Vous savez, le boom-boom du jeu vidéo, là. Du jeu vidéo. Voilà, ça y est, je commence. C'est dans le plateau. Je me modernise. Le petit boom-boom qu'on entend et tout, c'est extrêmement flippant, les chauves-souris au début. Oh. Et voilà, pour moi, c'est un film idéal, quoi. J'adore ce film, j'adore le rythme, je trouve ça original et voilà. Maintenant. Donc. On va rappeler que le film original se passait dans un jeu de plateau et ils ont décidé de le rebooter dans un jeu vidéo. Du coup, voilà. Oui, et ça, autant ça pouvait être une bonne idée, on va dire. Enfin, sur le papier, pourquoi pas, mais quand j'ai vu la bande-annonce, il y a un truc qui ne va pas. Pour moi, ça tue carrément l'intérêt même du jeu. C'est-à-dire que dans le premier Jumanji, il lançait les dés, les pions se déplaçaient, c'était assez fou, quoi. Que là, le problème, c'est que j'ai l'impression qu'on prend juste le titre et on en fait un espèce de film d'action à la Voyage au centre de la Terre. Pour moi, c'est Voyage au centre de la Terre 3, ce film, hein, clairement. Hein. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai été frappé, un, par la laideur des effets visuels, deux, par l'intérêt, enfin le casting qui m'a l'air totalement fade, y compris Dwayne Johnson, pour qui j'ai de base une sympathie, mais il commence un peu à devenir une caricature de lui-même et à faire toujours la même chose. Du coup, ça m'intéresse plus vraiment d'aller voir ça. Si je veux voir Dwayne Johnson, j'irai voir Fast and Furious 9, 10, 11, 12, 15, et ouais, je sais pas combien il y en a. Dans l'espace. Dans l'espace, voilà, j'ai hâte. Mais là, honnêtement, je sais pas pourquoi, je suis totalement rebuté par le truc, alors que de base, j'étais open. Je lui disais, mais non, mais ouais. Parce qu'il me semble pas que ce soit un reboot, il me semble que c'est quand même une suite. Parce qu'il paraît qu'ils vont quand même parler. Il me semble que c'est une suite. Hein. Donc d'accord, je me suis dit, pourquoi pas. Et puis Robin Williams, à l'époque de son vivant, avait approuvé le truc. Et Dwayne Johnson avait fait une lettre après la mort en disant qu'il allait pas. Enfin, qu'il allait rendre hommage le mieux possible. Et je doute pas de son intégrité. Mais en tout cas, le film tel qu'il est parti, ça m'a l'air d'être vraiment une atrocité sans nom. Mais j'irai le voir quand même, mais alors sans envie du tout. D'accord. J'ai oublié de dire que c'est réalisé par Jake Kasdan, qui a réalisé Bad Teacher et Sextape, des films Ah oui, d'une Sextape, qualité oh là, oui. irréprochable. Oui. Sextape, on s'en rappelle, un très très bon film. En fait, c'est une très bonne pub pour Apple de 1h20. Mais voilà. Donc voilà. Moi, le premier Jumanji, bah, enfin, comme beaucoup de notre génération, je l'ai vu quand j'étais petit. Il m'a laissé. En fait, je pense que c'est plus le dessin animé qui a suivi le film qui m'a plus marqué, parce que je le voyais plus souvent à la télé, etc. Il y a eu un Le dessin animé? Ouais, il y a eu un dessin animé qui passait sur France 3 le matin, il me semble. Oh d'accord, je m'en rappelais plus. Voilà. Donc, oui, non, Jumanji, c'est sympa. J'ai pas le même rapport affectueux avec le film, en fait. J'ai peut-être pas autant regardé le film quand j'étais enfant. Je l'ai vu une fois sûrement quand j'étais enfant. Je l'ai revu il y a peut-être 5-6 ans, quelque chose comme ça, et je m'en souviens assez bien. Et ça m'avait pas non plus marqué. Je comprends totalement pourquoi tu aimes le film, et enfin voilà, je le vois dans le film, mais c'est pas qui, enfin, le film ne m'a pas laissé une marque très importante, en fait. Mais je comprends pourquoi il est culte, et Robin Williams, c'est excellent dans le film déjà, donc ça lui donne un surplus de sympathie. Le reboot, moi, me pose, enfin, le reboot, la suite, etc., me posait pas de problème quand ça a été annoncé, comme beaucoup crient à l'hérésie, etc., jeux vidéo, Dwayne Johnson, enfin voilà. Quand j'ai vu la bande-annonce, c'est vrai que les effets visuels sont dégueulasses. La réalisation a pas l'air vraiment terrible. En plus, ça a l'air d'être un mix de. Enfin, le début, j'ai cru que c'était un reboot de Breakfast Club. Parce que c'est un peu la même histoire. C'est quatre ados qui se font. Qui vont en colle, et qui sont différents, etc. Et qui vont se retrouver dans des aventures. Et j'avais l'impression vraiment de voir un reboot de Breakfast Club, alors que c'est pas du tout ça. Après, les acteurs, bon, j'ai un peu de mal avec Kevin Hart en tant qu'acteur. Je trouve en tant que comique assez marrant, mais en tant qu'acteur, je le trouve un peu. Enfin, je le trouve mauvais en tant qu'acteur. C'est pas lui qui avait présenté les Oscars? Non, c'est pas lui. Ouh là là, je sais plus. Non, Non, je non, crois c'était pas. Chris Hein. Rock, non? Oh, je sais Chris plus. Rock. Ah, Ouais, d'accord, oui, je me confonds. Chris Je Rock. confonds. Donc, après, Dwayne Johnson, Jack Black, Karen Gillan, c'est des acteurs que j'apprécie beaucoup. Et l'histoire dans un jeu vidéo, moi, me dérange pas plus que ça. J'attends de voir le film. La bande-annonce m'a pas non plus. Enfin, comme je suis pas non plus à fond dans le premier, je suis pas à fond dans cette suite. Mais pourquoi pas. J'attends d'en voir plus pour me décider si j'irai le voir au cinéma. Mais en tout cas. Les premières images que j'en ai vues m'ont pas rebuté à un point où j'irai jamais voir ça, où je me suis dit enfin voilà, que c'était une hérésie. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que ben, les personnages de la vie réelle se retrouvent dans des personnages qui sont enfin des avatars, quoi. Et donc, par exemple, Jack Black est dans, enfin, c'est une fille une collégienne, une lycéenne, pardon, qui se retrouve dans l'avatar de Jack Black. Donc, du coup, Jack Black joue comme une lycéenne américaine, et c'est assez marrant, je dois dire. Les quelques scènes dans la bande-annonce qui m'ont fait rire. Donc voilà, c'est pas moi, je trouve pas dégueu cette bande-annonce, bien que les effets spéciaux sont vraiment moches pour 2017, quoi. C'est assez honteux de proposer ça, mais sinon, voilà. Ça m'a pas trop dérangé. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? On va passer à la suite. Passons à la suite. Ok. Passons à la suite. Donc, Cult of Chucky. Donc, c'est le nouveau film de Chucky qui sortira aux États-Unis ben, qu'en DVD, Blu-ray et VOD, Chez nous aussi, hein. comme chez nous, comme le dernier qui était sorti. Qui était pas bon. Donc. Apparemment, voilà. Moi, j'ai pas vu les films Chucky, donc je ne pourrais pas me prononcer. J'ai vu la bande-annonce, ça a l'air cool, mais comme je connais pas l'histoire, enfin, si, je connais de loin, quoi. Mais apparemment, ça a l'air d'être un film qui se base beaucoup sur les précédents, et donc ça se passera dans un hôpital psychiatrique, et ce sera le septième film de Chucky en 30 ans. Voilà. Toi qui a vu les films et qui les aime pour la plupart, j'imagine, t'en as pensé quoi et est-ce que tu l'attends? Alors pour reparler un peu des premiers Chucky, le tout Ouais. premier qui est sorti je crois en 88, 88. qui s'appelait pas Chucky, qui s'appelait Jeu d'enfant, enfin Ouais, en tout cas en c'est ça, ouais. français, parce que le titre original c'est Child Play, réalisé par Tom Holland, pas l'acteur qui a joué Spider-Man, hein, qui était, voilà, pour moi c'est un des meilleurs films de genre que j'ai vu. Je l'ai vu D'accord. petit aussi, je l'ai vu, j'avais 6 ans, donc c'était un grand trauma pour moi. Au niveau de l'histoire, hein, c'est vrai que ça m'avait passionné. Je trouvais que même au niveau des effets visuels aujourd'hui, enfin techniquement, le film aujourd'hui reste assez bluffant à regarder. Le 2 est une excellente continuité du premier, même si en matière de réalisation, on sent que c'est un peu plus fauché. Mais en tout cas, il y a quand même des Comme très... souvent avec ces franchises, hein, Voilà. comme Vendredi 13, Freddy, enfin voilà, c'est toujours le premier qui est très... Enfin, qui paraît vraiment très bien, Halloween par exemple aussi, et après le reste ça a l'air d'être assez fauché, enfin c'est des films de genre de cette époque. Fauché en matière de mise en scène. Après, il y a vraiment Ouais, des de... très bonnes scènes, et voilà, même par rapport au personnage, il y a une suite logique. Le 3, pour moi, est raté, mais vraiment raté, parce que ça se voulait en gros un. Ça reprend l'histoire, je crois, 15 ans après. Le petit Andy qu'on avait connu dans le premier a aujourd'hui 20 ans. Il a l'école militaire, tu vois, qui revient. Là, c'est vraiment tiré vraiment trop sur Ouais, la corde. ok. Ouais. Le 4 est excellent, parce que c'est à ce La moment-là fiancée où. de Chucky. La fiancée de Chucky, réalisée par Ronny Yu, qui avait fait pour moi un étron, qui était Freddy contre Jason, Ouais. arrivait à mettre en place un espèce d'humour noir, en fait. Et je trouvais que ça portait beaucoup de charme. Et d'ailleurs, ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert Chucky grâce à celui-là. Il y a des gens qui D'accord. n'étaient même pas au courant qu'il y avait des Chucky avant, quoi. Parce que la fiancée de Chucky, c'est pas Chucky 4. Enfin, c'est voilà. Ouais. Et après, bon, pour moi, le 5, c'est pour moi le plus raté de tous. Et Le il est plus adoré, hein. le Il y en plus a qui l'adorent, qui trouvent que c'est un chef-d'œuvre d'humour noir. Pour moi, il est juste ridicule, naze. C'est du méta-film bidon avec avec un personnage de fils, le fils de Chucky. Donc, mais irritant, irritant, irritant. Oui, irritant. Au possible, j'ai dit irritable, irritable et irritant. Et le 6, alors le 6, c'était vraiment compliqué parce que j'y croyais beaucoup. C'était la suite. Voilà, enfin, c'est. Enfin, moi. Enfin, oui et non, c'est-à-dire que. Ça nous était pas vraiment vendu comme une suite, j'ai envie de dire. C'était vendu comme un Chucky à part, et parce que Chucky, il a des cicatrices. Et là, il n'y avait plus de cicatrices. Donc on se disait, mais attends, il y a un truc là. Puis finalement, il y a une raison, et je trouve la raison assez jouissive. Le problème, c'est qu'on a donné pour moi un scénario génial à un réalisateur bidon. Pareil, c'est un mot que j'utilisais D'accord. beaucoup. Du coup, c'était un peu, en termes de mise en scène, j'ai trouvé ça très pauvre, sans intérêt. Mais il y a une ultime scène enfin une scène post-générique qui est pour moi jubilatoire et que je pense toutes les personnes qui ont suivi Chucky attendaient tous et je vais pas spoiler. Là, le 7, j'ai vu la bande-annonce. Honnêtement, ça me séduit. J'aime beaucoup les ambiances, les films dans les hôpitaux, tout ça. C'est pas pour rien d'ailleurs que Freddy 3 est un de mes films préférés. Enfin, un de mes Freddy préférés, j'ai envie de dire. Voilà, j'adore ce genre d'ambiance. Je trouve que c'est propice à des moments d'angoisse absolument fous. Donc, j'attends la suite, rien que parce que j'aime quand même le personnage. Je veux voir ce qu'ils vont en faire. Par contre, il serait peut-être temps que ça s'arrête, parce que cette film, ça, en 30 ans, ça commence à être un peu beaucoup. Bon, attends, Donc, oui, enfin, on va parler de Saw après. ouais, mais Saw, ça On fait est au pas non plus huitième beaucoup. Enfin, en Saw, ça 10 fait ans, quoi. 2004. Donc, Ouais, bon, en voilà. 15 ans. Ouais, mais là, je sais pas. En 15 Chucky, ans, on est faut à peut-être. 8. Après, Chucky, le problème, c'est que. Pourquoi ça sort pas au cinéma? Ça, j'arrive pas à comprendre. Parce Pourquoi. que ça, y a pas de distributeur en France, je pense qu'ils ne voient pas l'intérêt. Ah oui, en plus aux États-Unis, Ouais, aux enfin États-Unis, ils au pourraient le sortir, parce qu'aux cinéma, ouais. États-Unis, ils sortent plus ce genre de films dans les salles. Mais en France, je peux comprendre, même si je pense que ça marchera tout seul. Chucky, enfin les poupées, enfin il y a Annabelle qui est sortie, ça remplit les salles quand même. Donc les poupées tueuses, ça fait vendre. Donc je comprends pas pourquoi en France ils sont timides pour ça. Voilà, donc déjà. C'est peut-être le côté des TV, moi j'avoue, enfin je veux pas faire non plus un préjugé, mais j'ai quand même du mal à me lancer vers les DTV. C'est pas une plateforme vers Ouais. laquelle je vais facilement. Parce que pour moi, DTV, ça veut dire téléfilm. C'est très con, mais c'est vrai que dans ma Oui, tête, non, c'est un mais peu ça. c'est un peu un préjugé qu'on a tous et qui peut être compréhensible vu la qualité de certains DTV. C'est ça. Mais voilà Et quoi. du coup, bon, je l'attends quand. Enfin, c'est pas que je l'attends pas comme un fou non plus, je suis très curieux parce que j'aime la Bah, franchise dans sa déjà, globalité. visuellement, ça claque. Moi, personnellement, j'ai été assez impressionné par le niveau technique. Alors, peut-être réalisation, c'est toujours Don Mancini qui est le scénariste de toute la saga et qui a réalisé Le Fils de Chucky et La Malédiction de Chucky, donc apparemment, qui est pas terrible d'après tes dires. Donc, Voilà. Moi, j'ai trouvé que mon réalisation, j'ai pas trop fait attention. Je regardais plus la poupée et au niveau des expressions, etc. C'est toujours assez impressionnant, je trouve. Ah Donc, oui. Alors, c'est pas franchement. un film fauché à un point où ça a l'air d'être ridicule, quoi. Ah non, mais sur ça, je suis totalement d'accord. En termes de technique, je trouve que les Chucky ont toujours eu un charme, quoi. Maintenant, il faut que le scénario suive derrière. Autant dans le 6, je trouvais que ça prenait bien, mais la réalisation, pour moi, faisait vraiment défaut. Là, j'espère quand même que. Enfin, il a l'air quand même d'avoir un peu plus de budget, donc ça me réconforte un peu. Néanmoins, j'ai quand même un peu peur. Je suis Ok. curieux, mais je vais pas non plus dire, oh, c'est mon attente de l'année, loin de là. Et juste un truc avant de finir, c'est donc on va retrouver apparemment des personnages qu'on a vus dans les précédents, c'est ça, hein, Oui, on donc il va faut retrouver, je crois, Nika, Nika, c'est bah dans la voilà. malédiction, ça. D'accord. Ouais, enfin c'est ce que je lis, hein, donc on retrouve Nika et du coup, bah je pense qu'il faut, enfin d'après ce que tu dis, il faut quand même avoir vu certains Chucky avant de regarder celui-là, je pense. On peut Mais pas commencer avec ce serait bien de les voir tous parce que la fiancée de Chucky explique vraiment des choses par rapport au premier. On ouais. revoit, y a une feuille de journal qui montre un événement qu'on voit dans le premier. Je pense que les Chucky, c'est bien de tous les voir de toute façon parce que même si les acteurs changent, bah, Chucky reste le personnage Oui. de base et du coup, son histoire, est, on la suit depuis le premier, donc vaut mieux tous les voir quand même. Comme beaucoup de slashers en fait, ouais. Après. Enfin, Après, il y en a des l'anime. moins bons, quoi. Mais Ouais. j'avoue, Chucky 3, le fils de Chucky, je suis pas fan. Mais après, le premier, il est excellent. Le premier, j'encourage tout le monde à le voir, quoi. À le D'accord. voir. Rien que Ok. pour. C'est fou. Enfin, en termes de technique, c'est vraiment exceptionnel, quoi. C'est fou. Et regardez le making-of et vous allez vous régaler en plus, hein. Ok. Bon ben. Ce sera à regarder prochainement pour moi. on passe à la suite, on va faire très rapidement. On avait déjà parlé pas mal de ce film, de ce remake de remake, donc Scarface, qui arrête pas de changer de réalisateur, parce que Antoine Fuqua était parti, je sais même plus si on en a parlé ou pas. Enfin voilà, donc. Maintenant, le réalisateur qui était attribué au projet, donc c'était le réalisateur de Suicide Squad, David Ayer, et ben il quitte le remake. Donc ça fait le troisième réalisateur qui quitte le remake. Voilà. Bon, là cette fois-ci c'est à cause d'un conflit d'agenda avec Netflix que David Ayer quitte, mais on a déjà vu. Antoine Fuqua partir à cause de désagréments artistiques, etc. Enfin voilà, ce remake n'a pas l'air en très bonne forme. Alors, on en a déjà beaucoup parlé, je sais que ça t'intéresse pas spécialement. Ouais, c'est vrai que enfin j'ai même pas enfin même le film de Palma je l'ai pas vu donc bon. Enfin, je pense que c'est au moins à voir. C'est pas le film enfin. Que tout le monde prétend qu'il a c'est plus profond que ce qu'on peut penser et c'est clairement pas l'image qu'on s'en fait maintenant avec toute la culture hip-hop qui se l'est réappropriée et qui en fait un héros alors que c'est vraiment un film sur le rêve américain et qu'est-ce qu'on peut enfin voilà c'est vraiment un film sur le rêve américain plus que sur quelqu'un qui un gangster qui tue tout le monde et qui enfin voilà c'est vraiment un très bon film et puis Brian De Palma quoi c'est un des meilleurs réalisateurs de tous les temps et il le prouve avec ce film je trouve enfin voilà si je peux vous donner un conseil c'est regarder Scarface la version de Brian De Palma. Howard Hawks c'est vraiment bien la version de Howard Hawks la toute première est vraiment bien aussi mais pour moi elle atteint pas le premier donc voilà moi personnellement qui aime beaucoup ces deux films Scarface. Ce remake de remake m'intéresse assez peu et voir autant de problèmes sur un film qui devrait être plutôt assez simple à réaliser, moi ça m'encourage vraiment pas à aller voir, surtout si c'était David Ayer qui réalisait, là j'aurais vraiment pas eu envie de le voir. Donc voilà, bon, on verra bien ce que ça donnera, mais voilà, je pense qu'on va passer à la suite. Donc. La suite qui a fait beaucoup de bruit sur Internet français. Normal, c'est français. Philippe Lachaud, donc, qui est connu pour avoir réalisé Babysitting 1 et 2 et Alibi.com qui est sorti ce début d'année, il me semble. Oui, qui m'avait très déçu d'ailleurs. D'accord. J'ai vu que le premier Babysitting, j'ai pas vu le 2 ni Alibi.com, donc j'avais bien aimé Babysitting premier, je trouvais que c'était assez sympa. Donc il a annoncé que son prochain film sera une adaptation, l'adaptation de l'animé plus que du manga en fait, Nicky Larson. Et il incarnera aussi Nicky Larson, donc le héros principal. C'était un animé qui passait au Club Dorothée dans les années 90 et qui a marqué pas mal de monde. Voilà. Donc il a annoncé qu'il a obtenu les droits, mais que les ceux qui ont enfin les créateurs du manga et de l'animé ont conservé les droits de la licence dans le cas où ces derniers souhaiteraient produire leur propre adaptation dans les années à venir, mais ils ont donné l'autorisation à Philippe Lachaud. Je sais pas comment il s'est débrouillé pour avoir les droits de Nicky Larson, franchement, mais voilà. Et il les a et il va tourner un film. Et bon, ce sera dans la même veine, apparemment, que. Enfin, voilà, c'est un peu le même humour que Babysitting ou Alibi. Et il a juste dit qu'il voudrait rester le plus fidèle possible au manga et surtout ne pas décevoir les fans de Nicky Larson, comme lui l'a même été lors de la sortie de Dragon Ball Evolution, un certain film dont on se rappelle très bien ici, qui a été très douloureux. L'adaptation américaine de l'animé Dragon Ball, bien sûr. Voilà, il adapte. Ah, j'ai du mal. Il adaptera Nicky Larson et ça sortira le 6 février 2019 si ça change pas sur nos écrans. Donc voilà, il y a eu pas mal de commentaires, etc. sur les réseaux sociaux. Beaucoup de monde était contre. Toi, je sais que tu as un avis positif sur ça. Donc j'aimerais Oui. avoir ton avis. Oui, moi, honnêtement, j'ai un avis positif sur le projet. J'attends de voir parce que je trouve que Philippe Lachaud, c'est pas un mauvais humoriste dans l'absolu, ni un mauvais réalisateur. La bande à Fifi, c'était drôle. La bande à Fifi, c'est super drôle. En plus, moi, ce que j'aime bien dans ce genre de, ça me rappelle un peu. Alors, je vais pas le mettre au même niveau. Enfin, il est encore trop tôt pour le dire. Mais les nuls, les inconnus, c'est-à-dire, j'aime les bandes en Ouais. fait. Même, alors, je trouve le premier Babysitting pour moi, ça avait été une surprise à l'époque parce qu'il était sorti en même temps. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? On se souvient, ça a été taxé de racisme, etc. Enfin, on connaît la chanson, Christian Clavier. Hein, maintenant, ça fait autant à l'époque des visiteurs, ça faisait rêver. Maintenant, ça suffit pour se faire bâcher. Et je trouvais que c'était une alternative à toutes ces comédies, on va dire, industrielles. Là, c'était vraiment un film fait avec. Voilà, c'est une bande de potes qui faisait un film, qui proposait quelque chose. Pour moi, c'était dynamique, frais, et ça me faisait vraiment plaisir de voir ça. Et je m'étais vraiment marré, quoi. Le 2 m'avait, c'était un peu une redite, donc m'avait un peu moins séduit, mais je l'avais trouvé quand même très drôle. Mais il y avait un truc qui faisait, c'était peut-être un peu trop long. Je trouvais qu'il y avait des trucs qui allaient pas. Et Alibi.com, là, c'est dommage parce que je me suis dit, en termes de mise en scène, ils sont très forts. En plus, j'aime cette espèce d'humour référencé que j'aimais aussi chez Alain Chabat, par exemple. Mais là, je trouvais que, en termes d'humour, c'était un peu faible, mais en termes de mise en scène, il y avait des choses très intéressantes. Que là, Nicky Larson, je pense que ça va être un espèce de bloc, une comédie blockbuster, clairement. Et que si on peut avoir, on peut retrouver la fraîcheur, l'humour, la drôlerie de la bande à Fifi avec une mise en scène plus inspirée et avec plus de moyens. Bah, je pense que ça peut être pas mal. Néanmoins, j'avoue, je suis un peu saoulé par les réactions sur Twitter, sur Facebook, un peu partout, où dès que le projet a été annoncé, alors que c'est juste le scénario, enfin, il me semble que le scénario est écrit ou. Non, il n'est pas écrit le scénario. Il est en train Il est en d'écrire. train, donc il a juste posté la première page avec écrit Nicky Larson par Philippe Lachaud. Ouais, c'est Tout ça. le monde disait que le film allait être une merde. C'est quand même énorme. Le film est même pas produit, il est même pas réalisé, il n'est même pas monté, il n'est même pas rien du tout. Et ce qui m'énerve, c'est un peu ce préjugé un peu hâtif. Moi, je dis non, même si Nicky Larson, c'est une institution chez certains. Moi, j'ai ni regardé l'animé, ni lu les mangas. Je fais juste confiance au potentiel comique de Philippe Lachaud. C'est tout. Si c'est bien, c'est bien. Si c'est pas bien, c'est pas bien. Mais voilà, il y a toujours, je trouve, une espèce de haine et de révulsion quant aux comédies françaises. Et voilà, il y en a qui ont la carte. Je pense que Michel Hazanavicius, il aurait fait ça, tout le monde aurait été là. Oh, génial, parce que OSS 117. Et là, ni Philippe Lachaud, oh là là, Babysitting, oh mon Dieu, c'est beauf, mon Dieu. J'ai un peu du mal, je trouve que c'est un peu C'est un peu, au final, déjà un manque d'ouverture d'esprit, clairement. Et en plus, c'est un peu classer les comédies par des. Faut les voir individuellement et les juger. Cette année, il y a eu des films ouvertement dangereux, comme Si j'étais un homme, d'Audrey Dana. Pour moi, ça, c'est un film transphobe. À bras ouverts, ça, c'est un film un peu raciste. Alors que je trouve pas Qu'est-ce qu'on a faux, mon Dieu était spécialement raciste, franchement. Mais faut les juger indépendamment. Il faut pas. C'est pas parce que c'est Philippe Lachaud qui réalise un film, qu'il a fait Babysitting, qui pouvait, c'est le 2 surtout, qui pouvait avoir des qui pouvait vous faire penser que c'était raciste, enfin pas raciste mais misogyne, etc., qu'il faut penser que Nicky Larson sera la même chose. Moi je pense que Alors attends, je vais t'arrêter tout de suite. Nicky Larson, ça passait dans les années 90. Actuellement, je sais pas si ça passerait. C'est vraiment, enfin, c'est un humour assez, enfin voilà, très, comment dire, bon, faut utiliser les bons mots. C'est un humour très cru, c'est un humour très. Voilà, c'est ça, ouais. En vrai, c'est assez porté sur le sexe, on va dire. Et Ah, mais encore, là, mais. c'était assez censuré à l'époque du Club Dorothée. La vraie version est assez portée sur le sexe. Ça parle beaucoup d'érection, mokuri, mot japonais. Mais voilà, c'est pas quelque chose de pour tout public, on va dire. Le problème, c'est que moi, je suis quasiment sûr, et là, c'est ce que je vais anticiper les avis de mauvaise foi, c'est que si, à l'époque, ou même ceux qui sont fans trouvent Nicky Larson, c'est génial, peut-être irrévérencieux, j'en sais rien. Par contre, si Philippe Lachaud le fait, ça va être sexiste, ça va être, il va avoir toutes les accusations du monde, il va les prendre. Pourquoi? Parce que Ouais. c'est Lachaud. Et ça va peut-être falloir justement recontextualiser les choses au moment de la sortie en disant, attendez, si vous trouvez que ça, c'est un peu outrancier, c'est un peu Il y avait la choquant, même chose il y dans avait la même le. chose avant, mais c'était pas Lachaud. Donc peut-être qu'il y a un peu d'indulgence, c'est un peu à la tête du client, quoi. Donc voilà, après, comme je ne connais pas, donc je ne vais pas me prononcer. Moi, je veux juste voir un film drôle, bien réalisé. Et voilà, ça me fait plaisir. Je préfère voir ça que voir, je ne sais pas, moi, les nouvelles aventures de Cendrillon, quoi. Ah oui, clairement. Oui, non, là on est d'accord. Là on est d'accord. Moi personnellement, j'aime beaucoup. Bon, j'ai pas tout vu parce que c'est pas non plus. J'ai pas connu le Club Dorothée. J'étais un peu trop tard pour ça, mais voilà, j'ai vu un peu Nicky Malheureusement, le Larson. club Dorothée, j'ai pas connu non plus, mais Bah oui, je on reste est. aujourd'hui un fan de Dorothée, je le dis. Des chances. Allô, Ah allô, ouais, les monsieur chansons. Oh là ordinateur. là là là. Mourir mon cœur, tremblement de terre, Oh je non. t'aime encore, Oh punaise. maman, la machine à avaler, les chansons. Oh là là, mais c'est génial Oui, ça. t'as exposé toute ta culture Dorothée. Ah mais j'ai un best-of de Dorothée. Voilà. Non, mais oui, non, mais. Enfin, moi, je suis pas méga fan de Dorothée personnellement, enfin en Ouais, tant que mais chanteuse, ouais, mais. non, mais Dorothée, enfin voilà, encore une fois, Dorothée, qu'à l'époque, je sais parce que j'avais regardé des reportages, elle était dégommée par toutes les critiques. Je pense que Dorothée aujourd'hui, sur la twittosphère, ça se fait bâcher la gueule, hein, comme Hanouna aujourd'hui. Enfin, mais pour des raisons différentes, hein, je vais pas défendre Hanouna, mais je veux dire, voilà. Je pense que Twitter, des fois, n'aide pas vraiment, je trouve. Il y a les Non, limites mais de non, Twitter. Ouais. Même ouais. pour tous les films, hein, ce n'est pas que les films français, même les films américains, on peut avoir des préjugés. Maintenant, faut pas non plus être trop certain et dire ça va être une merde. Je pense pas. Faut laissons les gens proposer leurs produits et puis après on juge. Si c'est nul, c'est nul. Si c'est bien, tant mieux. Oui, c'est ça. Donc, voilà, moi, j'ai lu aussi plus le manga de Tsukasa Ojo, que j'adore. Vraiment, c'est excellent. C'est un super manga policier, mais qui est très drôle à la fois aussi. Bien sûr, comme je l'ai dit, c'est assez cru, mais c'est vraiment l'humour japonais des années 80-90, comme ça, c'est vraiment excellent. Il y a beaucoup de gags visuels, que ce soit des corbeaux qui passent quand il y a des moments. Quand il y a des moments gênants, il y a des coups de marteau, enfin voilà, c'est extrêmement visuel. Ça, pour ce côté-là, j'ai un peu peur au niveau live, action, adaptation, comme ça. Pour ce côté humoristique, comme ça, très surjoué, j'ai un peu peur, mais Pour le reste, voilà, je rappelle qu'il y a quand même déjà eu un film Nicky Larson hongkongais avec Jackie Chan que je vous conseille parce que c'est complètement n'importe quoi et que c'est génial. Mais enfin, c'est du délire total. Et ça s'est librement inspiré du manga hein, parce que c'est clairement pas une adaptation officielle. Mais voilà, donc Nicky Larson par Philippe Lachaud, pourquoi pas? Je vais pas dire non, au secours, je veux surtout pas voir ça. J'attends vraiment de voir que ce soit les premières images et la bande-annonce aussi. Mais même là, je pense qu'il faudra voir le film, comme tu dis, pour le juger totalement et pouvoir dire oui, nos craintes étaient fondées ou non, on a eu tort. Ou voilà, on peut être hypocrite si on veut, mais voilà, il faut, je pense qu'il faut voir le film pour le juger complètement. Et donc voilà. J'attends de voir ça. Je sais que ben, Philippe Lachaud est quand même quelqu'un qui. J'appréciais son émission La Bande à Fifi sur Canal+, que je regardais souvent. Et aussi, j'avais apprécié Babysitting, que je trouvais aussi rafraîchissant et assez original pour ce que c'était. Il y en a certains qui disaient que c'était un genre de projet X à la française, etc. Voilà. Oui, puis même Lachaud, enfin, il y a un truc, je vous conseille, vous pouvez le retrouver, je crois, sur Dailymotion ou sur YouTube. Oui, je cite Dailymotion. Il y a Non, Kate mais Winslet vas-y. qui était venue à l'époque du Grand Journal. Elle avait, ils avaient fait un peu un sketch. Et en gros, Philippe Lachaud, enfin, on lui avait donné une lettre et on entendait la voix de Philippe Lachaud dire salut, c'est Jack Dawson, en fait, je suis pas mort, je reviens. Il apparaît sur le plateau avec un visage de mec frigorifié, il sort un calamar de son caleçon avec les dents pourries et oui, tout. Elle oui, était morte de rire. Donc, je m'en s'il vous souviens, ouais. plaît, les gens, si Kate Winslet arrive à rire à Philippe Lachaud, eh ben, vous pouvez aussi vous décoincer un petit peu et rire aussi. Oh là là. Ouais. Ah non, mais après, chacun son humour, c'est pas ce que je dis. Non, non, mais Mais voilà, clairement, mais oui. bon, après, c'est dommage parce que, en termes d'humour, j'ai envie de dire, j'ai l'impression que personne peut faire rire. Les comiques n'intéressent plus personne, visiblement. Que ce soit Gad Elmaleh, Kev Adams, je le mets quand même dedans parce que le mec remplit les zéniths, donc c'est un comique, j'aime pas, mais voilà. Enfin, n'importe qui. Les comédies françaises, j'ai envie de dire, mais est-ce qu'il reste de l'humour en France? Enfin, j'ai remarqué, j'ai l'impression qu'il n'y a plus d'humour en France. L'humour, il n'y en a plus en France, il y en a aux États-Unis, mais chez nous. Alors après, les gens ils vont dire, bah, normal, il n'y a personne de drôle. Mais je pense que si, mais après, voilà. Après, il y a des plateformes. Bon, alors on va citer. Oui, il y a les gens sur YouTube. Que ce soit du. Enfin, moi, j'aime pas tout sur YouTube, clairement. Mais pour moi, il y a certaines personnes. On va pas faire un débat sur l'humour parce que sinon, en plus, on a tellement de news à faire. Mais voilà, pour moi, il y a vraiment du très bon, comme du très mauvais sur YouTube en termes d'humour français. Mais dans mes goûts personnels, et comme on le dit toujours, c'est le débat infini. Mais l'humour, pour nous, pour moi, personnellement, je trouve que c'est un des trucs les plus personnels qu'on puisse avoir. C'est normal qu'il y a des humoristes qui ne fassent que rire certaines personnes et d'autres qui font rire d'autres personnes. Voilà, l'humour, c'est quelque chose d'extrêmement subjectif. Oui, Je c'est ce pense qu'on dit à qu'on chaque fois, ouais, mais c'est c'est ce qu'on dit à vrai. chaque Enfin... fois, mais c'est pour moi, je pense qu'il faut pas oublier ça et que même si on n'aime pas Kev Adams, c'est ben voilà, il y a certaines personnes qui que ça fait rire et on va pas non plus dire c'est des débiles parce qu'ils rigolent. Enfin Non, voilà, bah c'est c'est comme moi, je rigole à des bêtises, je rigole devant OSS 117 qui sont pour moi ouais. géniaux, tu vois, Oui, c'est mais un parce humour, ouais. voilà, et je rigole devant Babysitting, et l'un n'empêche pas l'autre. Voilà, c'est Et ça, je. ouais, clairement. Ouais. Donc voilà, Nicky Larson, pour moi, pourquoi pas? C'est vrai qu'à l'annonce, j'étais un peu sceptique. J'ai essayé de repenser un peu à tout ce que Philippe Lachaud a fait, à ce qui m'avait fait rire. Et voilà, je dis pas que c'est la meilleure idée du monde, mais je dis pas non plus que c'est la pire. Et j'attends de voir vraiment ce qu'il peut en faire, parce que ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant. Voilà. On va passer à autre chose. Oui. Donc rapidement, on va passer aux Indestructibles 2, puisque comme je l'ai dit avant, on a eu quelques annonces de la D23, D23, qui a annoncé pour les Indestructibles, enfin John Lasseter a annoncé que l'action des Indestructibles 2, qui sortira le 4 juillet 2018, débutera en fait, l'action continuera juste après la fin du premier film, donc quand Jack-Jack s'envole et est en feu, apparemment, si on se souvient de la fin du premier. Donc voilà, je vais juste te demander, je pense que tu attends quand même un peu Les Indestructibles 2, est-ce que le premier t'a... Totalement, si c'est Ouais. Brad Bird, oh là là, fou, Oui, il est mis en dans ma scène par liste. Brad Bird. Hein. Voilà, donc oui, et en plus, si ça reprend, voilà, c'est. Ça reprend juste à la fin, donc ça Voilà. peut être vraiment cool de voir les répercussions de l'action du premier sur le monde, surtout que c'est sorti en 2004 quand même. Hein. Donc c'est... Enfin, Voilà. ça commence à faire pas mal d'années. Donc je suis impatient de voir surtout le gap, quand on va voir, surtout si ça suit vraiment. On va voir la suite technologique. On va passer enfin, d'une technologie 2004 qui était très, très bien et qui est encore très bien maintenant, je trouve, à une technologie 2017-2018. Et on va voir le gap. Ça va être assez intéressant à voir, surtout au niveau de la ville et des personnages, comment ça va évoluer. Mais moi, je suis assez content de savoir que c'est la suite directe des aventures. Et je suis impatient de savoir ce qui va se passer dans ce film, franchement. Bah en fait, à la fin, on va avoir Bruce Willis, on va apprendre que c'est Oh inversable. non, non, non, mélangez pas tout, s'il vous plaît. C'est très bien, gardez-les séparés. Non, mais c'est, enfin, pour moi, si on est fan du premier, on peut pas ne pas l'attendre, celui-là. C'est surtout, c'est Ah le oui. même. Par contre, il y a une autre nouvelle qui est un peu moins, qui reste dans le thème. Toy Story 4 ne sera pas réalisé par John Lasseter. Voilà, apparemment. Je ne sais pas qui. Mais ce sera pas lui, du coup, déjà qu'à l'idée d'un Toy Story 4, j'étais pas fan. Et bah là, si c'est pas John Lasseter, je suis encore moins fan. Mais dans le cas des Indestructibles, c'est Brad Bird, la suite directe du premier. Pour moi, Brad Bird, c'est ambition, réussite, donc voilà, je Ouais, non. signe tout de suite. Il n'a pas fait de mauvais film, Brad Bird. Voilà. Aucun. Donc, passons. Je voulais rapidement passer sur un peu le calendrier Disney, parce qu'il est gigantesque, hein, puisqu'on compte dans Disney Marvel, Star Wars, Pixar et Disney Animation et Disney Live aussi. Donc, pas mal de choses. C'était juste sur quelques dates. Qui sont confirmés en fait, puisque Toy Story 4, oui, comme tu le dis, il sort le 26 juin 2019, mais il a changé de réalisateur. Ah, bah voilà, on sait qui c'est, pardon, bah, j'avais pas lu la news en entier. C'est Josh Cooley qui a fait Vice Versa. Non, il n'a pas fait Vice Versa. Attends, j'ai un petit souci. Il a sûrement scénarisé Vice Versa. Il a été scénariste sur Vice Versa et peut-être Cars 2. Ouais, voilà. Scénariste sur Vice Versa et Cars 2. Donc voilà, on n'en sait pas plus, mais c'est lui qui réalisera Toy Story 4. Voilà. Scénariste de Vice Versa. Voilà. Voilà, et puis aussi le film live Mulan qui est repoussé à 2019. Alors attends. Ah non, c'est... Oui, en fait, il y a eu un souci avec Dumbo qui devait sortir après Aladdin, mais qui a pris la place de Mulan. Enfin, c'est un bordel sans nom. Oh là là là là. Voilà, c'est un bordel sans nom. Donc, on verra d'abord Aladdin. Ensuite Dumbo et ensuite Mulan au lieu de Mulan et Dumbo, voilà. Comme ça vous êtes au courant de ça. On passe à la suite parce que voilà, c'était juste pour vous annoncer ça. Passons à quelque chose qui a l'air génial. Donc le prochain film de Guillermo del Toro nous a dévoilé sa bande-annonce de Shape of Water, qui 2 ans après la sortie de Crimson Peak. Qui était excellent, voyez-le, parce qu'il n'a Ouais, pas, ouais, il a ouais. pas eu pour moi les, Clairement. le voilà, il a pas eu les éloges nécessaires. Voyez vraiment Crimson Peak, On il est est exceptionnel. deux à le défendre. Vraiment à le défendre, ce film, parce que vraiment, c'est... Enfin, moi, personnellement, j'avais vraiment beaucoup aimé. Il faudrait que je le revoie d'ailleurs, parce que c'est un très très bon film. Et là, ça a l'air d'être enfin, c'est pas une suite de Crimson Peak, mais ça reste aussi... Ça a l'air d'être aussi qualitatif que Crimson Peak, voilà ce que je voulais dire. Donc, Guillermo del Toro qui devait réaliser l'adaptation de La Belle et la Bête avec Emma Watson, mais avant que le projet s'arrête en juin 2014, Et nous sortent cet étron sorti Oh putain, mon Je suis dieu, pas on est. d'accord, mais. Ah oui, t'as aimé, toi? Oh là là. J'ai plutôt bien aimé, oui. Mais voilà, mais c'est comme ça. Mais bon, d'accord, c'est clairement pas, c'est clairement pas de la même qualité. Donc, Guillermo del Toro s'est mis au travail sur The Shape of Water, dans lequel on retrouve Sally Hawkins, employée muette d'un laboratoire secret américain en 1963, qui se lie d'amitié avec l'une de leurs créatures, un être vivant dans l'eau, et à qui le fidèle Doug Jones, qui prête sa gestuelle, donc Doug Jones qui a fait pas mal de créatures sur Hellboy ou sur le labyrinthe de Pan. Voilà. Donc ça sortira le 17 janvier 2018. On retrouve aussi Michael Shannon dans un des enfin en tant que personnage secondaire. Voilà, donc toi Et t'as il a vu l'air normal. Normalement, Michael Shannon joue Ouf. toujours des tarés. Là il a l'air aussi taré hein. Enfin Oui, mais moins que d'habitude. En tout cas, c'est moins marqué sur le visage, donc du coup, ça rassure. Ouais, mais là j'ai peur qu'il pète aussi un câble dans celui-là. Donc voilà, on a vu la bande-annonce, c'est magnifique, vraiment. C'est tout ce qu'on peut attendre de Guillermo del Toro, c'est fantastique. Il y a vraiment de l'émotion La aussi. poésie, quoi, à chaque Voilà, la fois, enfin, poésie, putain. clairement. C'est splendidement filmé de ce qu'on a pu voir. Et puis les teintes aussi verdâtres, comme ça, bleues. Enfin, la lumière a l'air très travaillée et excellente. Et puis aussi la créature, elle est magnifique. Voilà. Ouais. C'est tout ce qu'on peut attendre. En fait, c'est ce que je disais à Morgane. C'est un peu un labyrinthe de Pan qui se passe durant la guerre froide. Bon, voilà, c'est un peu la même chose, sauf que c'est pas non plus la même histoire, clairement. Mais voilà, ça a l'air d'être très poétique et moi, je suis hyper impatient de le voir, comme tous les films de Guillermo del Toro. Hélas, cette bande-annonce n'a fait que raviver la flamme qui vivait en moi pour Guillermo del Toro. C'est marrant. Ouais. Toi, tu en as pensé quoi? Tu as vu juste la bande-annonce avant, donc. Ouais, avant, moi c'est tout frais, hein, Ouais. et j'adore. J'adore parce que voilà, Del Toro, même si j'ai pas vu toute sa filmo, je dois voir, enfin revoir le Labyrinthe de Pan parce que je n'en ai plus Oui, moi aucun aussi. Ouais. souvenir. Pareil. J'ai pas vu les Hellboy. Voilà, par contre Crimson Peak, et qui a fait d'autre Del Toro? Ben, Chronos, qu'est-ce qu'il a fait d'autre? Ah Les oui, Chines du voilà. Les Chines Diable. du Diable, voilà. Voilà, donc moi je suis toujours séduit par l'imaginaire de ce mec-là. La manière dont il humanise ses monstres aussi, parce que c'est pas que. Voilà, y a ce rapport entre voilà, émotion, esthétique, enfin, je trouve qu'il trouve. Enfin, en tout cas, dans Crimson Peak, qui était un espèce de film d'horreur poétique et tout, enfin, Ouais. c'était en plus, c'était plus ou moins une suite au film de. Jack Layton, qui s'appelait Les Innocents et tout, c'était un hommage et tout. Je trouve que voilà, il déborde d'idées à chaque fois. Ouais. Il arrive à me passionner avec ses univers, avec ses personnages. Et en plus, c'est toujours des idées. Par exemple, le personnage principal est muet. C'est bête à dire, mais je le vois, je l'ai jamais vu ça. Et voilà, je pense que ça va dire beaucoup de choses justement sur. Voilà, sur ces expériences-là et tout, enfin pas sur ces expériences, mais sur le. Ah, va y avoir un discours politique très prononcé, Ouais, je pense. Voilà, j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. bah c'est sûr. Et la créature, quoi. C'est vrai que quand j'ai vu le trailer, je me suis dit, mais voilà, autant il y a des bandes annonces, on peut très bien dire, il faut. Il faut J'espère que bosser c'est. les Il effets faut bosser, visuels, voilà. voilà, c'est ça. Mais alors que lui, je me Là, dis, ça a l'air le d'être film sorti sort demain, quoi. demain. Il sort demain, c'est bon. Voilà, et j'espère qu'il aura un peu plus. Enfin, on verra si le film est bon ou Un peu pas, plus mais de pub. un peu plus de pub déjà, parce que Crimson Peak déjà avait été mal vendu. Ça avait été Ouais, vendu comme c'était. un film Ouais. d'horreur d'Halloween, alors que c'était pas du tout le cas. Ouais, c'était sorti à l'époque d'Halloween en plus, c'est C'est ça, n'importe c'était quoi, enfin sorti voilà. fin octobre. Là, voilà, pour le sujet, pour l'ambiance, voilà, avec Del Toro, c'est frisson, poésie. Émotion, enfin, je pense que ça peut être un film qui répond à tout ça, donc j'attends de Clairement, voir. clairement. C'est une très grosse attente. Et en parlant de Del Toro, En parlant des taureaux. Hellboy aura le droit à un reboot Oui, avec ouais. Mila Jovovich. dans Ouais, c'est un jeu. le rôle, enfin dans un des rôles féminins. Ouais, Voilà, c'est c'était ma ça. Voilà. petite nouvelle. La petite nouvelle, Mila Jovovich. Passons à la suite. Donc, Happy End de Haneke qui s'est présenté dans une bande-annonce. Donc, on retrouve Isabelle Huppert, Jean-Louis Trintignant, Mathieu Kassovitz dans cette bande-annonce qui est vraiment. Enfin, c'est vraiment chelou, c'est ce qu'on peut dire. C'est alors Chelou et oui, c'est je sais même pas si le terme est bon, c'est énigmatique, même c'est ce pas. qui est annoncé. Donc le synopsis, enfin le film a été présenté en compétition officielle lors du dernier festival de Cannes. Le synopsis est se dresse le portrait d'une famille de riches industriels de Calais sous le vernis de la bourgeoisie se dissimulent de nombreux secrets en toile de fond la ville et ses complications sociales emblématiques du 21e siècle. Voilà. Lors de. Il a annoncé à Haneke qu'il voulait provoquer quelque chose dans l'esprit du spectateur afin qu'il se creuse la tête et réfléchisse à sa propre existence. Je trouve cela, il dit, je trouve cela plus productif que de lui donner toutes les solutions. Donc voilà. Un film qui sortira dans nos salles, pardon, le 4 octobre. Toi, tu as vu la bande-annonce juste avant. Bah, je vais te laisser en parler. Oui, alors autant Haneke, je peux être quelqu'un qui peut adorer son cinéma, Funny Games. Alors j'ai pas vu la version autrichienne, j'ai vu que la version US, mais Ah, tiens, apparemment c'est la même chose. C'est un remake plan par plan, c'est juste des acteurs qui diffèrent. Et comme je l'ai vu à l'époque où je vouais un culte à Naomi Watts, du coup voilà, j'avais adoré. Pour moi, c'était une expérience traumatisante, bizarre, un film qui m'avait un peu. Comment? Non, j'ai rien dit. Attends, dis, j'ai cru que voilà. Non, non, Funny Games, enfin si, je pense que aussi dans la version autrichienne, il y a la scène de la télécommande, je pense. Ouais, Voilà, non, mais cette voilà. scène-là est tellement, tellement énigmatique. Et voilà, ça c'est énigmatique vraiment. Et ça dit beaucoup de choses sur le cinéma. Enfin, voilà, Funny Games, en plus, ça, je trouvais que ça interrogeait sur la finalité de l'humain en fait. Parce que Funny Games, c'est un rapport à la perversité. Enfin, je trouve que le cinéma d'Haneke, c'est ça en fait. Ça nous interroge, nous, en tant qu'humains. Et j'aime en fait la façon dont il met en scène ses personnages dans des situations où eux-mêmes ne se remettent pas en question, parce que quand je vois Amour ou quand je vois Funny Games, qui sont des films, enfin Ouais, que les seuls assez films que j'ai vus de différent, lui, voilà, j'imagine. différents, mais Ouais. dans Amour, on se pose des questions. Qu'est-ce que nous on ferait à leur place? Ou qu'est-ce que nous on a envie? Alors que les personnages se posent jamais la question. En tout cas, dans Funny Games US, ils se posent pas la question, ils subissent point. Et Ouais. là, je trouve que si son film c'est de nous présenter des personnages qui se remettent en question. Bah moi, je pense que je peux trouver ça vite barbant. Et quand j'ai vu la bande-annonce, je me suis dit, je n'ai vraiment, ça ne me tente absolument pas. Malgré un casting, Jean-Louis Trintignant et Isabelle Isabelle Huppert, ok. Huppert. Mais il y a la jeune actrice, dont je n'ai pas le nom, qui m'a l'air... Fantine Arduin, Voilà. révélée par Le Voyage de Fanny. Ah, j'ai pas vu celui-là. Mais je la trouve, dans la bande-annonce, assez fausse. Je trouve qu'elle joue pas très bien. Après, je sais que Haneke... en tout cas, dans Amour, quand j'avais vu la bande-annonce, je trouvais qu'Emmanuel Rivage jouait de façon très théâtrale, et en fait, dans le film, ça prenait bien. Donc peut-être que dans l'ambiance du film, je vais trouver ça supportable. Mais là, pour l'instant, aussi bien au niveau des promesses qu'au niveau de voilà du synopsis, de l'intrigue, des acteurs, enfin de l'actrice, enfin, il y a rien qui me tente vraiment, malgré Isabelle D'accord. Huppert et malgré Jean-Louis Trintignant. J'irai parce que Haneke, mais alors là, je vais pas être motivé. Hein. Ok. Bah moi j'avais jamais vu de film d'Haneke avant. Il y a un mois à peu près, j'ai vu pour la première fois Funny Games version autrichienne et le film m'a bouleversé, m'a retourné le cerveau. Enfin voilà, je peux plus sortir de chez moi, j'ai peur. mais. Si vous voulez lui faire peur, allez toquer à sa porte, lui demandez-lui des œufs. Voilà, c'est ça. Et ramenez-vous avec une télécommande, et là, je vous ferme la porte à la tronche. Mais voilà. Non, Funny Games, c'était exceptionnel. J'ai pas vu Amour, et il faut que je le voie absolument, parce que j'en entends que du bien. Et d'autres films aussi de lui, apparemment, qui sont très bien, que t'as pas aimé, Le Ruban Blanc, par exemple, que t'as Ouais, pas moi je me aimé, suis mais ennuyé. Il y en a un que j'ai qui envie de voir, apparemment c'est sont. Caché. Il a l'air excellent avec Ouais, Daniel ouais. Auteuil. Oui, aussi, ouais. Enfin voilà, pour moi, j'ai découvert le cinéma d'Haneke il y a pas longtemps et je suis impatient de découvrir plus parce qu'il m'a retourné le cerveau avec Funny Games. Et celui-là, bah, m'a l'air. Enfin, Appien, c'est. L'abandon, c'est, à mon avis, est bizarre intentionnellement, clairement. Et vraiment, je suis pas non plus. J'ai pas ressenti ce que tu as ressenti devant l'abandon. Je suis assez intrigué en fait. Je suis assez intrigué par le film et personnellement, ça me donne envie d'aller le voir. Après, je pense que je regarderai d'autres films d'Haneke avant d'aller voir celui-là. Mais voilà, les acteurs m'ont l'air bien. En plus, il y a l'air d'avoir une histoire un peu incestueuse avec Isabelle Huppert, c'est son fils. On n'en sait pas trop. On voit un petit truc qui permet de deviner ça, mais c'est vraiment de la déduction à ce point. Mais voilà. Enfin, il y a l'air d'avoir des trucs vraiment chelous dans ce film, et moi, j'aime les trucs chelous. Alors je vais voir ça. C'est bien, c'est bien. Voilà. Non, mais j'aime. C'est sorti un peu mal quand je disais ça, mais j'aime les trucs chelous au cinéma. Voilà. Donc il sortira le 4 octobre et ben moi je pense que j'irai voir ce film et je vous en dirai plus dans le podcast d'octobre. Voilà. Passons à la suite avec le film Bohemian Rhapsody. Donc qui est le film, le biopic sur l'histoire de Freddie Mercury et Queen, en fait, le groupe Queen, donc qui a enfin trouvé son Freddie Mercury après des années de recherche et de rumeurs, de suppositions, etc. Donc c'est Rami Malek qui est plus connu comme étant l'acteur principal de Mister Robot. Qui est une série que j'ai pas encore vue mais qu'on me conseille de partout, donc voilà, je pense que ça doit être pas mal. Et l'acteur a l'air bien en plus. Donc voilà, ça a été annoncé sur le site officiel de Queen, comme quoi. Ah oui, il y a un truc qui va t'intéresser dans cette news, je sais pas si tu le sais encore, mais je Non. vais. Ouais. Tu sais pas encore qui c'est qui va réaliser le film? Non. Un certain Bryan Singer qui va réaliser le film. Moi, ça me donne de plus en plus envie de voir le film, surtout que pour moi, Queen, c'est mon groupe favori. C'est un des plus grands groupes de tous les temps. Et j'attendais ce film avec impatience. Malheureusement, je suis un peu déçu par l'annonce de l'acteur, même si je pense qu'il jouera très bien le rôle. Parce que moi j'attendais la version. Ben, déjà, je trouve que physiquement il lui ressemble beaucoup plus de Sacha Sacha Baron Baron Cohen, Cohen. ouais, j'en étais sûr. Voilà. Sacha Baron. Mais imagine l'histoire de Queen par Sacha Baron Cohen, mais quel. Ça devait être un rêve de cinéphile, quoi. Mais malheureusement, ça ne se fera pas parce que les deux membres encore actifs, donc Brian May et Roger Taylor, de Queen ont décidé que ils voulaient pas montrer le côté un peu plus comment dire fiesta de Freddie Mercury des fiestas assez extravagantes on laissera ça comme ça mais voilà Sacha Baron Cohen voulait vraiment aller dans le pas dans le crâne mais voilà dans ce qui faisait aussi Freddie Mercury quoi donc qui lançait des fêtes de plusieurs jours avec. Enfin voilà, on n'en sait pas non plus énormément, mais il y avait des choses qui se passaient et Sacha Baron Cohen voulait le faire et ça a été refusé par Brian May et Roger Taylor. C'est Rami Malek qui fait le. Qui interprétera. Ce sera bientôt. Ça va bientôt être tourné. Il est en pré-production et ça devrait débuter. Enfin, le tournage devrait débuter très prochainement. Voilà, donc Bryan Singer, est-ce que ça t'intéresse le film? Bryan Singer qui réalise le film, et aussi l'acteur, pourquoi pas? Oui, Bryan Singer, pourquoi pas. Enfin, c'est pas ça qui me. C'est en fait le projet est tellement sur les rails depuis un paquet d'années. Ouais. Et je crois qu'il est passé. Enfin, il y a eu des versions de scénario qui ont été supprimées, tout ça. Bon, pourquoi pas. Enfin, pourquoi pas. Après, ça peut faire l'effet de Steve Jobs, hein, par exemple. Ouais. Par contre, clairement, je suis d'accord avec toi, Rami Malek. En plus, j'ai pas vu Mister Robot, donc honnêtement, je m'en fous un peu de ce mec. Parce que pour moi, si je devais me représenter Freddie Mercury sous les traits d'un acteur, c'était bien Sacha Baron Cohen. Ouais, clairement. Parce qu'en plus, Freddie Mercury avait un peu d'insolence. Enfin, c'était un mec un peu Ouais. insolent et tout. Et je trouvais que Sacha Baron Cohen aurait pu retransmettre ça à l'écran sans que ça paraisse un peu Surjoué. surjoué et tout, que ça paraisse très naturel. Et du coup, voilà, en termes de réal, pourquoi pas, mais l'acteur, enfin Rami Malek, voilà, je suis pas là à courir après lui. Ouais. Mais bon, j'aime Queen, et voilà, donc j'irai le voir. Rien que Ouais. au moins la BO sera cool. Oui, voilà, c'est ça. On peut être sûr d'une chose. Enfin bon, après, il faudrait pas que. On espère qu'ils gardent les versions originales et qu'ils vont pas laisser l'acteur chanter, comme ça a été le cas dans certains biopics. Parce que bon, je veux bien qu'on puisse être un bon chanteur, mais personnellement, je trouve que personne peut atteindre le niveau vocal de Freddie Mercury actuellement. Donc voilà, laissez les versions originales et on sera déjà content d'avoir un film où on peut écouter Queen. Voilà, on verra bien. Apparemment, ça a l'air quand même d'être un film qui va présenter pas mal de choses, notamment le concert Live Aid, qui était un gigantesque concert contre le sida, qui sera une des séquences clés du film, apparemment. Voilà, ça a l'air d'être un projet quand même assez gigantesque, et pourquoi pas, franchement, Bryan Singer en plus en tant que réalisateur, c'est une bonne nouvelle en plus, en plus d'avoir, enfin, on est sûr au moins d'avoir un réalisateur qui sait ce qu'il fait, voilà. Passons aux annonces Comic-Con rapidement. Le prochain film d'ici, ce sera, enfin, prochain film dans quelques années, mais un des prochains films d'ici, ce sera Shazam. Je vous expliquerai un peu plus tard qui est Shazam, quels sont ses pouvoirs, mais on va d'abord parler de son En fait, Shazam, réalisateur. c'est quand vous entendez une musique, vous mettez Shazam et vous retrouvez la musique. Voilà. Mais sauf que Shazam, c'est un adolescent qui s'appelle Billy Batson, et quand il crie Shazam, il se transforme en super-héros qui a le pouvoir de six dieux, la sagesse de Solomon, la force d'Hercule, l'endurance d'Atlas, le pouvoir de Zeus, le courage d'Achille et la vitesse de Mercure. Voilà, donc en fait, c'est un Superman bis. Et alors, et Zack Snyder, il a le pouvoir de morpher, il nous endort. Pardon, c'était une blague. J'aime beaucoup Batman versus Non. Superman, pas d'invective, les gens, s'il vous plaît, c'était pour Voilà. rire. C'était pour rire. Je pense que, enfin, ça te plaire peut-être, parce que je sais que tu as aimé. Le réalisateur de Shazam qui a été confirmé, c'est David F. Sandberg, qui a réalisé Annabelle 2. Je sais que tu as Ah, aimé Annabelle 2. Donc, adoré, j'ai adoré Annabelle 2. voilà, on en parlera plus dans le bilan de l'été. Voilà, donc, enfin, le héros, tu viens d'entendre parler, j'imagine. Moi, j'en connais pas plus que ce que je viens de te dire, parce que c'est pas un héros qui est super connu. Ah ouais, franchement, ça me disait Voilà. absolument rien. Pour moi, un mec Ouais. avec des pouvoirs de Dieu, c'est Percy Jackson, alors je le dis, hein. Voilà, c'est un peu, ouais, c'est Superman rencontre Thor rencontre machin. Voilà, est-ce que ça te dit quelque chose ou pas du tout? Tu t'en fiches. Bon, pourquoi pas, après tout, moi j'aime bien en plus quand c'est un peu inédit, donc étant donné que je connais pas du tout le personnage de Shazam, pourquoi pas. Et puis le réalisateur, voilà, Annabelle 2 était très bon, excellent même. Donc oui. D'ailleurs, Shazam, ça me fait penser à ce qu'ont vu Spider-Man de Ouais, Sam Raimi Spider-Man Home. quand il Ah veut non. tisser sa toile au début. Shazam! Voilà. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai, j'avais oublié ça. Voilà, moi j'ai pas vu Annabelle 2, donc je peux pas juger de sa qualité de réalisateur. Je peux juste dire que Morgan a aimé. Voilà. C'est peut-être pas un mauvais réalisateur. Voilà, moi j'attends d'en voir plus. Je connais pas non plus Shazam tant que ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Voilà, c'est tout ce qu'on peut en dire. Passons encore à des annonces de la Comic-Con avec un film dans l'univers des 4 Fantastiques, un nouveau film donc qui se centralise sur le Docteur Fatalis, donc le méchant des 4 Fantastiques. Ça a été annoncé par le scénariste Noah Hawley, qui est scénariste sur la série Légion et la série Fargo, qui est créateur de la série Fargo aussi. Donc voilà, que je n'ai pas vu. Voilà. Donc il écrirait actuellement un film centré sur le docteur Fataliste, Fataliste, pardon, méchant des quatre fantastiques. En plus de ce qu'on avait annoncé récemment, un film. Enfin, il y a deux films quatre fantastiques apparemment qui sont en production à la Fox. Celui-ci et celui qu'on avait annoncé. Récemment, dans un parlant cinéma récent, c'était un film sur les enfants des quatre fantastiques. Voilà, oh là, j'ai du mal. Sur les enfants des quatre fantastiques. Donc voilà, en plus de ça, il y aura ce film. On n'en sait pas plus. En tout cas, ça fait taire les rumeurs comme quoi Disney avait peut-être proposé à la Fox de récupérer les droits des personnages des quatre fantastiques. Puisqu'ils préparent apparemment deux films dans l'univers, je pense qu'ils sont pas prêts de faire un deal avec Disney. Donc voilà, je sais pas ce que t'en penses, si t'as quelque chose à Bah, dire dessus ou pas. non, vraiment, j'ai rien à dire. Ouais. Ça me. Bah, compte tenu du. De toutes les versions, hein, des 4 fantastiques au cinéma. Enfin, en plus, sur ce méchant-là, je vois pas l'intérêt. C'est pas comme si c'était des films qui étaient. Encore, je sais pas, un film solo sur. Je sais pas, un méchant style. Bon, maintenant, c'est pas possible, mais je sais pas, à l'époque, le Joker, j'en sais rien. Ou même, je sais pas, un film solo sur Thanos, j'en sais rien, peut-être, à la Ouais, limite. Ouais, mais pourquoi pas, après tout? tant qu'on y est. Bah non, mais tant qu'on y est, pourquoi pas? Ouais. Et puis honnêtement, j'aurais rien contre, hein, parce que bah, Thanos, on en parle tellement que ce serait bien de ne pas le voir que dans Infinity War et de voir un peu son plan, tout ça. Enfin voilà, que pourquoi pas? Mais là, honnêtement, Fatalis, je pense que les 4 Fantastiques, les 3 films, c'est pas des films dont les gens se souviennent en positif, Ouais, donc ah non, je vois pas clairement pas. l'intérêt du tout. Ouais, je suis du même avis complètement. Je vois pas l'intérêt de faire encore. Surtout deux films qui sont fantastiques, mais ils ont pas peur de perdre de l'argent, Fox. Enfin, franchement, ils ont de l'argent à perdre, quoi. C'est. Et pendant ce temps, ils galèrent à. Enfin, ils galèrent. Ils font Ils traîner nous sortent Avatar 2, quoi. Alien. Merde. Ils Ils nous sortent sortent Alien Alien Covenant. Covenant. Ils galèrent pour. Enfin, je sais pas, Cameron, je sais pas ce qu'il fout là. Enfin, oui, bon, on va en Ouais, parler de putain, on en Cameron parlera après. après. Enfin, voilà, merde de financer. Mais merde, bougez-vous! Ouais, voilà, c'est ça. Donc, on en parlera plus quand on en saura plus. Mais voilà, c'est de ce qu'on en sait, on a l'impression que c'est une très mauvaise idée. Passons à Saw 8. On en parlait assez souvent des différentes annonces sur ce prochain projet. Donc, Dick Saw revient après 7 ans d'absence et Jigsaw. supposé. Dick Saw. Ouais, c'est pas Jigsaw, hein, c'est autre chose, hein, Non, ça. non, non, non, j'ai prononcé, j'ai peut-être mal prononcé. Donc, qui revient après 7 ans d'absence, qui devait être normalement son dernier film, mais bon. Voilà. Donc, le nouveau film Saw, certains y ont vu une sorte d'ironie ou une sorte d'humour dans la bande-annonce. Moi, personnellement, j'ai vu surtout tout ce que j'attends d'un film Saw. Du torture porn, des mécanismes, des enfin voilà, des méch un méchant diabolique qui parle à travers une enfin voilà, c'est tout ce que je connais de Saw. Et enfin moi, comme je le dis à chaque fois, j'ai pas vu Saw, donc je peux pas non plus juger, mais là ça m'a pas emballé non plus que ça. Ça m'a pas donné envie de repartir pour voir les sept opus, même si je sais que je devrais voir le premier parce que c'est James Wan et que James Wan c'est un dieu pour certains ici. Non. mais non, non, Non, d'accord. non, alors non, mais maintenant je suis nuancé depuis Conjuring 2. Je Ah oui, pense c'est que James vrai. Wan, voilà, n'est plus. J'ai peut-être trop mis sur un piédestal. Enfin, ça reste un grand réalisateur, hein, ça c'est clair. Hein. Saw 1 est formidable. Saw 1, c'est un peu voilà, le renouveau du cinéma de genre pour moi, le renouveau enfin, de sur plein de choses. Enfin, c'était très modeste finalement. Après, les suites, c'est plus compliqué, mais je vais les revoir tous. Je pense que Saw, D'accord. c'est des films que je regardais avec par année de sortie, à chaque fois qu'ils sortaient, du coup, je perdais un peu le fil. Mais je Ah pense ouais, que mais quand on les clairement. voit dans la continuité, parce que ça reste des films qui se suivent très bien, faut pas voir le 6 sans avoir vu le 5, ça c'est clair. Parce qu'il y a beaucoup de personnages, hein, c'est très feuilletonesque. D'accord. Donc voilà, faut garder le fil. Mais je vais les revoir, histoire de me refaire un avis. Mais en tout cas, c'est vrai que Il le sort le premier 1er novembre, celui-là, donc. soit 4 jours avant mon anniversaire. Ah là là. Joyeux anniversaire, un saut 8. Saw 5 était sorti le jour de mon anniversaire. C'est génial ça. En plus, c'est le pire. Ça, c'est un bon cadeau. Alors, toi qui connais à peu près la franchise, quand même, t'as vu tous les films. Oui. Est-ce que ça t'intéresse de voir ce film? Et est-ce que la bande-annonce t'a intéressé? Totalement. Alors là, je suis vraiment pas. C'est pas de l'ironie. Alors que j'avais été un peu déçu du set par rapport à sa révélation de fin qu'on a tous vu venir. Je trouve que là, j'aime beaucoup le trailer. Alors j'y ai pas vu une once d'humour. Je sais pas où est-ce qu'ils l'ont cherché, ouais, non, mais pourquoi ouais. pas. J'espère, enfin, j'ose Alors, croire qu'ils reviennent pas. On peut dire que c'est la news Allociné qu'on utilise qui utilise un humour décalé, une ironie. Alors moi personnellement je l'ai pas vu, il faudrait peut-être m'expliquer, mais en tout cas. Peut-être par rapport aux pièges, parce qu'il y a des pièges, je pense, qui répondent à certains qu'on avait vus. C'est peut-être par rapport à ça. C'est D'accord, peut-être ok. Ouais. Peut-être une mise en abîme de l'univers, pourquoi pas. Mais ok, moi je l'ai ouais. pas encore vu. J'ai peut-être besoin justement. Je pense que je reverrai les 7 avant. Je reverrai la bande-annonce. Peut-être qu'il y a un détail qui va m'interpeller. En attendant, okay. J'aime. Enfin, c'est pas que j'aime Saw, mais je trouve que dans ce que ça peut proposer, ça m'intéresse. De voir pourquoi ils reviennent, parce que je suis un grand curieux. Pourquoi faire un Saw 8 alors que le 7 logiquement devait être la fin. Oui, être la fin, mais après en cherchant bien, on pouvait évidemment continuer le truc. C'est un peu comme American Nightmare, hein. Il n'y a pas de fin possible après le 3, mais ils en font une série. Bon, mais après, j'aime la bande-annonce m'a beaucoup plu. Pour des raisons que je ne saurais vraiment pas expliquer, quoi. Ça m'a plu parce que. Peut-être retrouvé l'ambiance. Ouais, du premier, retrouver ou une ambiance, voilà, l'ambiance, le danger, voilà, le côté morbide, les pièges un peu. Peut-être que ça m'avait manqué dans le fond. J'ai fait une overdose à l'époque de la sortie. Ah, des sorties, ah clairement, mais et c'était. Peut-être qu'au final, ça me manque et j'ai peut-être envie de revoir ça et de me dire qu'est-ce qu'ils vont raconter. Parce que Saw, c'était ça aussi. Hein. C'est de se dire qu'est-ce qu'ils vont raconter. Parce que normalement, après le 3, on ne pouvait plus rien raconter. Ouais. Le 3 c'était pas possible, tu pouvais rien faire après le 3, mais ils ont quand même réussi et à chaque fois c'est comment ils relancent. Pourquoi pas? Mais j'aime beaucoup la bande-annonce, ça m'a voilà, je l'ai trouvé un peu épique à sa manière, donc voilà, j'ai envie de revoir la marionnette, j'ai envie de revoir Jigsaw même s'il est mort depuis un bon moment. Un super tricycle. Ah ouais. Ouais voilà. donc oui, j'ai envie de le voir. Mais ça m'a emballé hein, donc j'ai quand même ouais. hâte de le voir. Ouais, voilà, donc moi j'ai pas plus à dire. Hein, c'est. Voilà. Vous connaissez mon avis sur ce mot. Enfin, de ce que j'en sais. Voilà. On passe à Ben Affleck. Ben Affleck qui. Alors, ce dont on va parler, c'est une rumeur et c'est pas encore confirmé. Donc, voilà, je mets les guillemets sur ce qu'on va dire, mais en tout cas, c'était confirmé par plusieurs sources. Mais pas confirmé officiellement, donc on peut pas être sûr de ce qu'on va annoncer. Mais apparemment, Ben Affleck quitterait le rôle de Batman dans l'univers DC. Donc après avoir été enlevé de son film en tant que réalisateur, il est enlevé en tant que, enfin, de son personnage carrément. Donc ça a été annoncé par Hollywood Reporter quand même. Donc c'est une source assez fiable, mais voilà, je préfère prévenir que c'est une rumeur. Donc voilà, c'est tout. Ah oui, ça a été aussi confirmé par entre guillemets par son frère Casey ouais, Affleck. Mais il a le seum, lui. Ouais, voilà, c'est ça. Il a Attends, il a eu son si il a eu son Oscar. Oui, pourquoi il l'a eu. Pourquoi il aurait le seum alors? Ouais. Je sais pas. Parce qu'il est pas Batman. Voilà, il est trop jaloux, il est pas Batman. Il a eu un Oscar, mais ça lui suffit pas. Voilà, donc Ben Affleck qui ne serait plus Batman, alors que Justice League, on en parlera juste après, mais sortira prochainement. The Batman qui est soit encore en train d'être réalisé, je sais plus maintenant, si peut-être qu'ils l'ont peut-être déjà fini. Mais voilà, donc qu'est-ce que t'en penses de cette rumeur? Lâchez Ben Affleck. S'il vous plaît, arrêtez. Leave Ben Affleck. Mais oui, mais lâchez-le. Qu'est-ce qui vous a fait cet homme? Non, mais c'est un peu chiant parce que au final, bon, j'espère qu'il va quand même le faire. Hein. Mais apparemment, il a quand même tourné The Batman. Mais oui. Normalement, le fera, donc. Mais oui, attends, ils sont pas fous quand même chez DC. Ils vont pas. Mais peut-être qu'à la fin de The Batman, ils ont changé la fin pour que il se passe quelque chose et qu'on passe à un autre Batman. Pas ah, Bruce peut-être. Wayne. Que ce soit un Robin qui prenne la place de Batman comme c'était voilà Ça, c'est déjà Alors. arrivé dans les comics. C'était la fin pourrie de Dark Knight Rises, je vous le rappelle. Et La voilà, fin de Dark ça Knight peut. Ouais. Rises. Pourri. La fin. Oui, voilà. C'est ça. Ah, tu t'en souviens pas? Ah, tu t'en souviens pas? Mais si, elle est bien la fin justement, Dark Knight Rises, je la trouve excellente. Non, mais avec Robin. Bah Bonjour, ouais. je m'appelle Robin. C'est Dick, le personnage s'appelle pas Robin dans le comics, il s'appelle Dick Grayson. Pourquoi il s'appellerait Robin? Enfin, bon, bref. Ne parlons pas de ça. Moi, je la trouve pourrie. Juste cette fin, hein. Sinon, le reste, le film, je trouve pas trop mal. Je trouve pas au niveau de Dark Knight, mais voilà. Parlons de ça plutôt, Ben Affleck. Je sais plus, tu disais quelque chose. T'avais fini de dire Non, ce que tu. non, non, non, non, non, non, j'ai lâché-le. Mais j'avais Ouais. aussi vu un truc par rapport. C'est un pote youtubeur qui m'en avait parlé. Je ne sais pas si c'est officiel. Il était venu me voir en privé en me disant Jeffrey Dean Morgan va jouer Batman. Je fais ah bon? Parce qu'apparemment, il y aurait un projet chez DC d'ailleurs. Hein, je crois que c'est un film solo. Et c'est tiré d'un des comics. Toi qui s'y connais, tu me diras si c'est vrai. Dans laquelle en fait les parents de Bruce Wayne ne seraient pas morts, ce serait en fait Bruce Wayne qui aurait été tué, et ce serait son Ah ouais, père qui d'accord. deviendrait un Batman complètement fou de rage. Et comme dans le film de Snyder, le père de Batman c'est Jeffrey Dean Morgan, eh ben moi je veux bien voir ça. Parce que Jeffrey Dean Morgan, Negan en Batman, eh ben je veux. Mais voilà, bref, je sais pas si c'est confirmé, enfin, en tout cas Oh, c'est ce ouais, qu'on m'avait à dit. mon avis, c'est au même niveau, c'est de la rumeur. Hein, J'aimerais bien en tout cas qu'il le fasse. Mais sur Ben mais Affleck. comme on l'a vu mourir, ce serait une réalité différente. Je pense pas qu'on est encore prêt au niveau pour l'univers d'ici. On n'est pas encore prêt pour les réalités alternatives. Encore, on essaye déjà Déjà dans le rationnel, il galère, donc bon. de construire un univers cohérent déjà à lui tout seul, et après on fera les réalités alternatives si ça fonctionne, tu vois. C'est là, enfin Bah, voilà. en tout cas, dans le cas de DC, je trouve qu'il s'améliore nettement. Parce que voilà, Wonder Woman, j'ai adoré, vous le savez. Wonder Woman, Donc c'est là, ouais, bon, c'est par un des rapport plus à. grands films de super-héros qui est sorti. Moi, je le trouve meilleur que The Dark Knight, j'ose dire ça. Voilà. Je vais me faire défoncer, mais Ah c'est pas grave. oui! Mais Bah non, mais moi, de toute voilà. façon, je Pour préfère Begins que The Dark Knight, hein, je le dis. moi, The Dark Knight enfin, très surestimé. C'est un très bon film, mais très surestimé, voilà. Exactement. on va se faire défoncer. C'est pas grave. Non, mais je pense qu'il est aimé parce que le Joker, tout simplement. Puis, non, mais je le dis, moi, je l'ai Oui, revu non, il y a mais. pas longtemps. J'ai trouvé ça très bon. Après, il y en Ben a qui oui. justement trouvent que le Joker c'est le meilleur super méchant pour Non, moi. Non, mais ça il y en reste a pour qui disent que Scofield c'est et le dans meilleur film. Spider-Man 2. Je compare pas les deux, mais c'est d'un point de vue pur subjectif. Clairement, Ah bah mais il il y en c'est a limite qui. c'est le parrain version Ouais, voilà, non, DC. mais attends. Il a même pas 10 ans, c'est le parrain, quoi. Non, mais. Bon. Parlons. Ouais, donc voilà, Ben Affleck. Je trouve que c'est encore un coup dur. Hein, si ça s'avère vrai, ce sera encore un énorme coup dur pour l'univers DC qui a vraiment pas besoin de ça en ce moment parce qu'il galère assez. Il Mais commence à pourquoi ça. il quitterait Batman, je comprends pas. Pourquoi il le ferait plus? Bah, je sais pas, parce à cause des différences artistiques. Au pire, il récupère les gadgets de Bruce Wayne, il va péter la gueule au producteur. Producteur. Ouais, ben là du coup il Non, y mais aurait plus de film, lâchez-le. mais Non, ouais. non, honnêtement, je pense pas qu'ils iront jusque-là. Je pense que Ben Affleck restera. Mais il est entouré de rumeurs, ce mec, c'est dingue. À chaque fois Ouais, qu'il se lève tous ouais. les matins, il y a une rumeur. Bientôt, on va annoncer sa mort. Tu vois, c'est horrible. Ouais. Ça Là voilà. porte la poisse hein, de jouer chez Fincher. Hein. Et depuis qu'il est chez Fincher, il s'attire que des emmerdes, ce mec. Alors qu'il a fait un excellent film chez Fincher. Ouais. Bref, voilà. Et en tant que Batman, franchement, il était très bon. Hein. Moi, Bah, c'était pour je. moi le Ouais. meilleur Batman. Bah, non, je préfère quand même Ouais. Keaton, mais. Bah, j'adore Ouais, Keaton. Mais. Keaton, il est cool. Ouais, mais. Si, en fait. Enfin, ouais, Keaton est meilleur, je trouve. Mais ouais, Mais Ben Affleck était Ben très bon. Affleck apportait vraiment une viscéralité, une brutalité à son personnage qu'on voyait pas. Même Christian Bale, il le portait pas ce truc-là pour moi. Il était très bon, mais il le portait pas. Alors que Ben Affleck, je trouve vraiment qu'il incarne le mieux, en tout cas, ce qu'on attend d'un Batman, quelque chose de sombre et tout. Pour moi, Ouais, un c'est Ben Batman Affleck. âgé surtout. Voilà, C'est ouais. c'est ça. Physiquement imposant, avec ses traumas, sa noirceur, son deuil et tout, il le porte super bien, quoi. Franchement, Ouais. laissez Ben Affleck tranquille. Voilà, c'était notre coup de gueule, mais voilà, on espère que tu vas rester. Ben chez DC, au moins pour faire quelques films quoi, pour et après ils pourront te trouver un ressort scénaristique pour que tu te casses, mais reste au moins le temps qu'ils se construisent quelque chose de solide. Passons maintenant à une autre bande-annonce qui a été dévoilée durant le Comic-Con, Ready Player One, le prochain film de Spielberg. Pas mal. Ouais, non, c'est vraiment cool. Voilà, Ouais. ça aurait pu faire mieux. Ah ouais. Bon, en même temps, la bande-annonce de ce qu'on. Bon, voilà, on va le rappeler parce que tu es là. L'acteur principal Parce que j'en ai qui. même pas parlé. Oui, voilà, mais il faut que j'en parle parce que sinon on va se dire, mais pourquoi ils en parlent pas tout de suite? Non, Donc là. non, non, je suis très. Non, allez-y, Ouais, allez, vas-y, allez. dis son prénom, Allez, vas-y, ça me c'est fait un plaisir. certain Ty Sheridan Exactement. qui joue le rôle principal, donc de Wade, dans cet univers 2042, un truc comme ça, si je m'en souviens bien. Ouais, et Olivia Cooke aussi, qui est une excellente actrice qu'on a vue dans Bates Motel, elle est excellente. Ok, c'est. Elle joue quoi dans. On la voit dans la bande-annonce ou pas du tout? Parce Non, je que. crois qu'on la Ouais, voit non. pas. Parce On qu'en l'a vue fait. dans une image, mais elle est au La... Comic-Con, elle était Ouais, là. voilà. Donc, le pitch du film, c'est que ça se passe en 2042, quelque chose comme ça. Les gens, en fait, ils ont quasiment plus rien à faire, sauf vivre dans un monde virtuel qui s'appelle l'Oasis. Dans lequel on se réfugie pendant que la Terre se meurt à l'extérieur et on assiste à de, enfin, nos fantaisies deviennent réalité grâce à cet univers. Enfin, c'est un film sur les casques de réalité virtuelle. Qu'est-ce que ça pourrait devenir dans 20 ans, 30 ans? Voilà. Donc, de ce qu'on voit de la bande-annonce, on voit pas beaucoup de l'histoire, on voit beaucoup de l'univers. On voit un Freddy Krueger, on voit Le géant de une fer. DeLorean, le géant de fer, j'étais tellement content quand j'ai vu ça. Voilà, on voit beaucoup d'univers qui est très beau, très très. Là, tu vois si ça avait été un vrai, enfin un vrai univers pas virtuel, je pourrais dire, c'est trop, je trouve trop chargé. Mais là, comme ça se passe dans un monde virtuel. Je trouve pas, enfin, je trouve justifié que ce soit chargé en effet visuel, justement, et que ce soit pas trop, enfin, que ce soit numérique, quoi, justement, que ça fasse numérique, parce que c'est dans un monde de réalité virtuelle. Donc voilà, on voit des courses de voitures, on voit des gigantesques batailles, on n'apprend pas beaucoup sur l'histoire. Toi qui as lu les 10 premières pages du bouquin, tu pourras nous Ouais. annoncer. Non, enfin voilà, justement, moi, j'ai pas lu le bouquin. J'hésite encore si je lis ou avant de voir le film ou pas, mais voilà, donc le film sort le 28 mars 2018. L'univers visuel a l'air extrêmement intéressant, c'est Spielberg, c'est extrêmement bien réalisé, des images qu'on a pu voir, et voilà, ça a l'air d'être un film très axé années 80, enfin clin d'œil années 80, début 2000, etc. Donc voilà, c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Je vais te laisser parler de qu'est-ce que tu as pensé de cette bande-annonce et de cet univers. Est-ce que ça t'intéresse? Totalement, et ça a l'air très fidèle aux 10 premières pages que j'ai lues. Non, mais moi aussi, en fait, si vous voulez, j'ai pour on va expliquer un peu ça. Effectivement, j'ai acheté le bouquin en février, je l'ai lu, j'adorais. J'ai lu les 20 premières pages, voilà. Mais je me suis dit, mais putain, Spielberg va en faire un film. Donc qu'est-ce que je fais? Qui plus est avec Ty Sheridan quand même. Hein, donc je me dis, merde. Je vais peut-être attendre le film et voir ce que Spielberg va en proposer. Ça peut être différent, Ouais. comme ça peut être identique, mais j'ai pas envie de Apparemment, me faire spoiler le enfin, les truc. premiers retours de ceux qui ont lu le livre disent que c'est très fidèle. Voilà, donc du coup, j'ai un petit peu. Voilà, j'hésite encore. Bon, vous savez que ça va être ma plus grosse attente de 2018, hein, parce que Spielberg, voilà. Je vais pas faire mon fanboy de Ty Sheridan. Voilà, en plus, Moi, on m'a. je fais mon fanboy de Spielberg, Bon, bah, je vais faire mon clairement. fanboy de taille. Il a l'air parfait, comme d'habitude, de toute façon. Mais en tout cas, c'est ce mélange, en fait, de références à la pop culture. Je comprends que ça peut en énerver certains. Moi-même, de temps en Ouais. temps, ça me gonfle. Quand j'ai regardé la première saison de Stranger Things, ça m'a saoulé. parce que je trouvais que ce n'était que ça. Maintenant, j'espère que cet hommage, là, voilà, je vais être objectif, je ne vais pas faire mon fanboy, mais j'espère que cet hommage va être bien utilisé, ouais, bien exploité. Bien dosé surtout. Bien dosé, moi, c'est ce qui me fait peur. Ce ne soit pas en fait, un ouais. étalage de « Ah bah regardez, on va mettre Freddy ici, comme ça les gens vont dire « Oh tiens Freddy, ouais, oh ouais. tiens le géant de fer, oh tiens la DeLorean ». Pourquoi ? Pour rien. Juste pour que ça crée un peu de surprise et de se dire un peu d'excitation de voir un élément d'un autre film dans un film qu'on est en train de regarder. Oui, voilà, moi c'est ce que j'ai peur. C'est le film à référence, ça me... Enfin, voilà, ouais. le film à référence, voilà. On peut faire, je trouve, de l'hommage, même sans faire... Par exemple, Last Action Hero de McTiernan, c'était de ouais. l'hommage. Bah, vous voyez, avec la scène dans le vidéoclub avec Stallone qui jouait Terminator, ça suffisait. Ouais. Voilà. Mmh. Là, je sais que ça va être chargé, mais je compte sur Spielberg... et je pense qu'il est suffisamment intelligent et ambitieux pour ne pas tomber là-dedans, pas tomber dans la facilité. Et j'ai envie que le film utilise bien ses hommages. S'il le fait bien, ça peut être génial. Franchement, ça peut être génial. Et je l'attends. C'est ma plus grosse attente de l'année. 2018. 2018, ouais. Avec Star Wars 9. c'est pas pour 2018, ça. C'est 2019. C'est pour quand, ça ah, c'est oui. tous les deux ans, les Star Wars. Avec. Non, j'allais dire alors, avec Mr. Glass de chez Malade, mais non, il sort en 2019. Non, mais 2018, ce sera sûrement le Han Solo qui sortira. Niveau Star Wars. Voilà. Bref, ça fait un peu pitié de parler de Star Wars comme si c'était un simple. C'est horrible. Enfin, un simple produit. Enfin, c'est vrai, ouais, voilà. Bon. parlons de Ready Player One. Non, moi, j'étais assez emballé. Comme on a vu que l'univers, ben, j'étais emballé visuellement, mais j'attends vraiment d'en savoir plus sur l'histoire pour vraiment être à fond dans le film. Mais clairement, c'est déjà une de mes plus grosses attentes 2018. Et je pense qu'on peut faire de la référence intelligemment et sans trop en user. Justement, enfin, je vais parler d'un film qui m'a... Enfin, pour moi, qui est un excellent film que j'ai vu très récemment et que on en parlera plus durant le bilan de l'été. J'essaye de contenir mon excitation. C'est Baby Driver qui, pour moi, fait certaines références et qui les utilise à la perfection et qui en fait ni trop. Enfin voilà, qui les dose avec une maîtrise assez exceptionnelle. Voilà, je contiens mon excitation pour ce film parce que ça a été une grosse claque, mais on en parlera plus dans pas longtemps, dans le bilan de l'année, bilan de l'été, pardon. Voilà. Bon, sur mon année aussi, on va en parler. Clairement, on en parlera. donc voilà, Ready Player One, je suis très impatient de le voir, je suis très impatient d'avoir une deuxième bande-annonce qui explique un peu plus l'histoire, plus que l'univers. Mais en tout cas, de ce qu'on a vu, ça a l'air très emballant. Passons à la bande-annonce de... Je ne sais pas si tu l'as vu, c'est là par contre. Le Redoutable, donc le prochain film de Michel Hazanavicius, qui parlera de l'époque 67-68 pour le réalisateur, pardon, Jean Godard. Qui Jean-Luc Godard, pas Joël. Non, j'ai dit Jean-Luc. Pardon. Joël. Non. j'ai dit Jean-Luc Godard. Voilà, époque 67-68, donc avec mai 68, etc. Les protestations. On voit pas mal de ça dans la bande-annonce. Moi, je. j'ai pas peur de dire que j'aime beaucoup certains films de Jean-Luc Godard, même si c'est. Si on peut être traité de bobo, tout ça, je m'en fous parce que on a le droit d'aimer Star Wars et Jean-Luc Godard autant, j'ai envie de dire. Donc j'aime beaucoup certains films de Jean-Luc Godard, j'ose le dire. Et j'adore Michel Hazanavicius. Et de ce que j'en ai vu dans cette bande-annonce, donc c'est Louis Garrel qui interprétera Jean-Luc Godard et Stacy Martin. Qui jouera sa femme qui était à cette époque Anne Wiazemski puisqu'il a changé beaucoup de femmes, donc c'est pour ça que j'ai un peu de mal à m'en souvenir, voilà. On retrouve aussi bien sûr Bérénice Bejo, hein, c'est obligé, dans les films de Hazanavicius. Ah, ça, oui. Voilà, c'est toujours un grand plaisir de la retrouver. Elle sera la réalisatrice et styliste Michèle Rozier, voilà. Donc la bande-annonce m'a emballé. Moi, j'étais assez impatient de voir la bande-annonce parce que enfin, c'était une attente, mais en même temps, je me disais, mais qu'est-ce qui va faire un film sur Jean-Luc Godard, Michel Hazanavicius? Et la bande-annonce m'a vraiment emballé. En plus, c'est très drôle. Ça a l'air d'être vraiment très drôle. Même genre d'humour qu'OSS 117. Il y a vraiment des passages assez drôles dans la bande-annonce déjà. Et ça a l'air, comme d'habitude chez Michel Hazanavicius, c'est très bien filmé, c'est très bien mis en scène. Les scènes, par exemple, de mai 68 sont vraiment enfin, assez réalistes. Et vraiment, moi, je suis assez impatient de découvrir ce film. Il sort le 13 septembre, donc voilà, très prochainement, dans nos salles. Et bah, moi, je suis très emballé par le film. Et Stacy Martin, qu'on a Dans découvert Nymphomaniac. dans Nymphomaniac, a l'air aussi exceptionnel dans le film. Donc voilà, pour moi, il n'y a que du positif pour l'instant, de ce qui ressort des images qu'on a vues. Et je suis très impatient de le voir. Voilà. Morgane, Alors, tu n'as pas vu la bande-annonce, donc non, j'ai pas vu la voilà, bande-annonce. mais... D'ailleurs, je vais voir le film en avant-première dans mon cinéma d'art et essai Ah! début septembre, parce que c'est suivi d'une rencontre avec Michel Hazanavicius. Et comme je Excellent. connais un petit peu Je le t'envie. directeur, Oh je sais que je peux négocier une rencontre en privé. Et pourquoi là pas une petite interview que je pourrais poster sur MovieNerd, Inch'Allah. là. Voilà. Arrête de nous pas de nous spoiler, mais de nous donner envie là. Voilà, Parce mais que parce ce que serait ouais, tellement Michel bien. Hazanavicius, j'adore. Voilà. Et d'ailleurs, d'après ce que j'ai cru comprendre, parce que j'y suis allé il n'y a pas longtemps dans mon cinéma d'art essai, il m'a dit que peut-être Bérénice Bejo serait là. Donc, si je peux voir Bérénice et Michou en face de moi, Michou, Michel, pardon. Non, non, mais Michel, fais pas Michou, je sais attention. pas pourquoi. Voilà, non, non, mais j'ai. En plus, c'est un dimanche à 17h, donc c'est cool. Ce sera pas à 20h, donc je pourrais vraiment rester bien là-bas. Parce que quand c'est à 20h, après au niveau des bus, pour repartir, c'est un peu compliqué. Mais Ouais, c'est à sûr, je vais y 23h. aller. Parce que je suis curieux de voir. Parce que j'ai jamais vu un film de Jean-Luc Godard. Ouais. Mais je suis curieux de voir. Bah, peut-être qu'en fait, c'est en général grâce à ce genre de film que ça me donne envie de voir, en fait. Ouais. Parce que y aura, Mais je on pense que ça doit va. être intéressant Ça va être de intéressant, voir ouais. ce film sans avoir vu un seul film de Jean-Luc Godard. Et sans Parce savoir que... qui c'est véritablement, ni l'impact qu'il a eu politique, le coup de mai 68, j'avoue, Ouais. je sais qu'il y a eu un truc par rapport à Cannes et tout, mais j'ai jamais été trop renseigné sur sa vie et sur comment dire, Enfin, ses ouais. opinions politiques, on va dire, Opinion politique, ses ouais. combats politiques. Donc, par Michel Hazanavicius, qui est quand même pas un réalisateur mauvais, loin de là, Non, clairement. C'est un des meilleurs clairement, qu'on a en donc France, hein. voilà. Tant en matière de comédie qu'en matière de films plus dramatiques. Enfin, dramatique, The Artist, c'était excellent. Mais en tout cas, voilà, je vais aller le voir en AVP. Voilà, je vois pas la bande, j'ai pas regardé la bande-annonce, j'ai pas envie de la voir. J'y vais comme ça en Ouais. découvrant, Bah oui, je comprends là, malgré la c'est petite appréhension que j'ai sur Louis Garrel, qui est pour moi l'acteur que je trouve le plus insupportable. Mais en fait, il m'agace sans que je sache pourquoi. Je le trouve, D'accord. il porte la bobositude en lui et ça me Ouais. saoule. Voilà, je D'accord. n'aime pas son air, je n'aime pas comment il parle, je n'aime pas son air nonchalant. Quand il est venu chez Ruquier, je l'ai trouvé chiant. Maintenant, voilà, un bobo pour jouer un réalisateur bobo, ça peut être pas mal. Ouais, ça peut se trouver. Enfin, moi je l'ai trouvé assez juste en Jean-Luc Godard. Enfin, de ce que j'ai vu de ses interviews à Jean-Luc Godard, il a l'air d'avoir assez bien capturé le personnage. Donc voilà. Et en plus, dans le film, enfin dans la bande-annonce, on voit quelques références à certains de ses films. Et ben voilà, moi je suis très heureux de voir ça sortir prochainement et je serai le premier en salle. Voilà. Passons maintenant rapidement, on en parlait juste avant, à Justice League, donc une annonce encore de la Comic-Con. On a eu une bande-annonce de 4 minutes sur Justice League. Et comme d'habitude chez DC, les bandes-annonces, ça donne pas envie. Enfin non, personnellement, moi ça m'a pas tellement donné envie. Donc le film sort en France le 15 novembre. Voilà. On voit pas mal de choses, beaucoup de batailles numériques. Ce Trop. qu'on peut. Voilà. Pas trop de battle, mais on voit trop de choses. 4 minutes pour une bande-annonce, faut arrêter. Ouais, 4 minutes, c'est énorme et surtout pour voir des batailles quoi. C'est enfin laissez-les pour les films parce que là ça a l'air juste d'être enfin ça nous donne juste pas envie d'aller parce que ça a l'air d'être chiant et ça a l'air d'être une énième bataille numérique avec des énièmes robots slash aliens slash mutants. Voilà, c'est vrai. Enfin franchement moi ça me donne pas envie d'aller voir le film. Enfin, c'était comme pour Wonder Woman, comme pour Batman v Superman, comme pour Suicide Squad. Suicide Squad, j'avais un peu raison. Mais voilà. Ouais. Justice League, ça donne pas envie, là, personnellement. Alors, j'irai le voir, bien sûr, parce que comme j'ai vu tous les films DC, maintenant, bah, je suis investi dans l'univers. Donc, il faut bien que j'aille voir ça. Mais je suis pas emballé. Voilà. On voit le nouveau grand méchant qui est Steppenwolf. Voilà. Je connais pas non plus énormément les méchants chez DC, donc je connais pas le méchant de ce film. Voilà. C'est tout ce qu'on peut en dire. Apparemment, c'est le bras droit de Darkseid qu'on a vu dans les scènes coupées de Batman v Superman. Je n'ai pas vu non plus la version longue de Batman v Superman, donc je ne peux pas vous dire si c'est. Enfin, voilà. Si ça me donne envie ou pas. Mais en tout cas, de ce que j'en ai vu. De la bande-annonce, ça a l'air d'être un énième film de super-héros qu'on en a vu trop. Morgane? Pour moi, on en voit trop. C'est le défaut Ouais. que je. Visuellement, ça n'a pas l'air trop dégueulasse, hein, parce que Snyder, Non, je ça trouve que c'est va, pas non ça plus va. un mauvais. Enfin voilà, j'en rigolais tout à l'heure, mais pour moi, Snyder, je vois pas ce qui. C'est plus ses fanboys à Snyder qui ont tendance à me gonfler que Snyder en lui-même. J'ai T'as rien contre lui pas du compris tout. le ralenti ici, ça veut dire, ça exprime, c'est l'émotion, tu vois, c'est. Non, mais c'est surtout que tu vois, quand un réalisateur est clivant comme ça, ceux qui n'aiment pas se font taxer de hater, alors que non, enfin je veux dire, c'est pas parce que j'ai détesté Man of Steel que j'ai rien contre Snyder. J'adore l'Armée des Morts, j'adore Batman vs Superman. Je ne prends pas tout comme argent comptant, et autant j'ai adoré Dunkerque, mais voyez, les fanboys de Nolan peuvent être très agressifs dans un débat, j'en ai fait l'expérience. Ah, Juste parce ouais, que j'ai non, dit que j'avais pas trop. Je trouve pas que The Dark Knight soit un chef-d'œuvre, tu vois. On en est là quand même. Ah, mais oui, mais t'es un hater, oui. pourquoi? Bah parce que t'aimes pas le meilleur film de Nolan. Bah non, pour moi, le meilleur film de Nolan, c'est Inception et je l'adore, tu vois. Bref. Et du coup, non, le problème que j'ai avec le trailer, voilà, c'est sa durée, c'est trop long. On voit trop de choses. Ça a l'air. C'est trop chargé. Et du coup, Ouais. c'est tellement chargé que je me dis. On va se faire chier. Limite en 4 minutes, je me dis j'en ai assez, je Ouais, peux en voir voilà, c'est plus. ça. Alors que voilà, une bande-annonce c'est fait pour te donner envie, avec des petits détails par-ci par-là, de pas trop en montrer, d'essayer de trouver un juste milieu. Et là je trouve que en fait ça charge trop, ça t'en met plein la gueule, et pour moi ça me donne l'effet un peu. C'est comme quand on fait à manger, puis que y a l'odeur de la nourriture est trop forte, du coup t'as plus faim. Et ben moi c'est Ouais, un c'est peu ça. la sensation que j'ai. C'est Voilà. ça, mais clairement. Et tu dis, ah, oh, mais j'ai vu 4 minutes de ça, et je dois me taper 2 heures, je sais pas quoi, de ça, c'est bon, je veux pas le voir. Mais 3 heures, pour moi. 3 heures, il va durer 3 heures. Ah ouais? T'es Oui, il va durer sûr trois de heures. ça? Oh là Et il me là. semble. Ouais, j'avais lu ça va être 3 heures. Version courte, hein. Oh, au secours. Bref, je dis au secours, mais ça se trouve, ce sera un super film. Que j'adorais, comme j'adore Wonder Woman et comme j'aime bien, enfin, comme j'aime Batman v Superman. Mais voilà, là, ce que j'en ai vu, ça me donne pas envie, comme tous les autres films, comme je l'ai dit avant. Et pour moi, je trouve que DC fait une erreur capitale en sortant Justice League avant d'avoir sorti un film solo sur Aquaman, sur Flash et sur Cyborg. Parce Oui, que. parce que quand on regarde Tu vas bien, lancer trois nouveaux personnages à la gueule des gens alors qu'ils s'en foutent de Flash, ils s'en foutent d'Aquaman, ils s'en foutent de Cyborg, ils savent pas qui c'est. La plupart, ils s'en foutent. Donc pourquoi ils devraient être intéressés par Aquaman et pourquoi ils devraient être intéressés par Cyborg et Flash? Ils s'en foutent. Donc moi je trouve que c'est débile de lancer Justice League maintenant alors qu'on aurait dû avoir des films solo comme sur le Marvel Universe, quoi. Comme on a eu Iron Man, Hulk, Captain America, machin, machin. On n'a pas eu Black Widow, d'accord, ok. Mais Black Widow, c'est tellement un grand. Enfin, c'est pas un. Dans Avengers, elle est pas beaucoup dans le film. Donc voilà. Là, c'est Mais quand même des après, personnages après principaux. c'est vrai que ça je suis d'accord avec toi, parce que le fait d'avoir vu Wonder Woman, me motive un peu plus Ouais, voilà, c'est d'avoir ça. eu un film Moi, quand solo. j'ai vu Je me dis, ah, Wonder j'ai envie de la Woman, revoir parce que j'ai ouais. aimé le personnage dans son C'est film ça. solo. Ouais, moi, quand j'ai vu Wonder Woman, c'est le seul truc intéressant que j'ai vu dans la bande-annonce pour moi. Parce que on la voyait combattre, et puis après, on la voyait au musée en train de remettre en. Et on voit aussi l'île des Amazones de nouveau, et j'étais super content de voir ça aussi. Voilà. Mais. Voilà quoi, c'est. On verra bien ce que ça donnera le 13 novembre. D'ailleurs, j'ai oublié. Le 15 novembre, pardon. J'ai oublié de dire que on avait. Enfin. Je sais pas si on en avait parlé, mais c'était Joss Whedon qui avait retourné certaines scènes ou qui avait fini le film parce que Zack Snyder était en deuil à cause de son Ouais, il était fils. en deuil. Sa Euh, fille, sa fille, voilà. sa fille, sa fille. Donc, sa fille, pardon, désolé. Oui, donc sa fille qui était morte. Donc, je sais pas si au niveau des crédits de réalisateur, il y aura aussi Joss Whedon qui sera au moins qui sera Bah, mentionné. Je pense pas le que ce sera. boulot a été fait. Le boulot a été fait à 99%. Voilà, il y avait Par 1% de Zack Snyder, reshoot, c'est lui qui les a fait. Oui, ouais, c'est ça, voilà, je donc je pense. Ouais. pense pas Donc, que. je pense qu'il y aura une mention, mais à part ça, ce sera pas un film co-réalisé par Joss Whedon. Non, j'y crois pas un Bref, instant, non. non, non, clairement pas. Donc, on passe à la suite et on va passer à une annonce qui a été aussi faite pendant le Comic-Con par Ivan Reitman, donc le réalisateur, le metteur en scène de SOS Fantôme 1 et 2. Qui a annoncé que ils ont des merveilleux plans pour un film d'animation dont ils ont déjà le design et une très bonne histoire et un nouveau film live, mais il n'en dira pas plus. Voilà, c'est ce qu'il a dit. Il exclut pas l'idée de créer pour les besoins d'une suite une version CGI de Harold Ramis, l'interprète du docteur Egon Spengler qui est bien sûr mort en 2014. Voilà, donc c'est quelque chose à laquelle il pense, et c'est bien sûr c'est pas la première fois qu'on voit ça. On l'a vu récemment avec Peter Cushing dans Rogue One. Voilà, donc c'est quelque chose qui a l'air de se démocratiser de plus en plus depuis que Fernandel fait la pub pour Puget ou des choses comme ça. Non, ça n'a pas été recréé numériquement, mais c'est un peu la même chose, hein, c'est. Jouer avec une image de quelqu'un qui est mort. Mais voilà. Un SOS Fantôme 3 numériquement, enfin en CGI, qui ne prend plus du tout en compte même l'histoire du dernier qui est sorti. Est-ce que ça dit, est-ce que t'as envie de voir ça? Non, parce que j'aime pas SOS Fantôme de base, Ok. le 1 et le 2, j'ai pas du tout aimé. Par contre, D'accord. j'ai aimé le film avec Paul Feig, donc je vais me faire taper dessus, hein. Mais Non, voilà. mais t'as le Mais droit, donc, hein. non, mais voilà, j'ai aimé le film, j'ai aimé pas le Le, reboot, mais ouais, oh, le. c'est un genre de reboot. Un spin-off féminin, Ouais, voilà, tiens, c'est ça ça, arrive. ouais, Bref, spin-off, voilà. ouais. Et puis, voilà, les films d'Ivan Reitman, je les ai pas vus. Oui, c'est Ivan, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. Je les ai pas vus petits, je les ai vus tard. Ça m'a pas plu, ça m'a pas fait rire, donc j'avoue, j'attends rien du tout. J'attends même pas un troisième, rien du tout. Ouais. Ben, en fait, moi, j'adore Ghostbusters, mais je suis du même avis que toi. J'attends pas un troisième film avec un Ivan Reitman ressuscité en CGI. C'est vraiment pas quelque chose que j'ai envie de voir. Enfin, c'est pour moi, c'est vraiment gâcher une franchise qui mériterait d'être laissée de côté. Ghostbusters, enfin, il n'y a pas eu d'annonce pour une suite du film qu'on a eu en 2016, le spin-off. Mais voilà quoi. Enfin voilà, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout et que j'ai pas envie de voir vraiment. Et voilà, je suis désolé de voir Ivan Reitman en tant que marionnettiste vraiment qui sait que faire du SOS Fantôme. Il pourrait s'intéresser à d'autres idées un peu nouvelles, faire de nouveaux films. Mais au lieu de ça, il reste intéressé par SOS Fantôme, qui est très bien comme il est. Laissez les deux films, plus le spin-off. Faites même des suites au spin-off que j'ai pas aimé, mais au moins ça suivra une sorte de logique. Parce que là, c'est juste. Enfin voilà, c'est n'importe quoi. Voilà, j'espère que ça ne verra pas le jour, personnellement. Parlons encore d'un vieux papy gâteux qui fait n'importe quoi avec la franchise qu'il a créée, James Cameron, Tiens. qui en plus d'avoir annoncé qu'il ferait 5 avatars, enfin 4 avatars, donc que ça arriverait au cinquième avatar, a annoncé préparer une nouvelle trilogie Terminator, voilà. Donc ça fait rire quand on entend ça, hein. C'est vraiment. Surtout que les derniers films qu'il a fait, enfin, entre Titanic et Avatar, il n'y a rien eu. Et entre Avatar et maintenant, il n'y a rien eu. Donc voilà, on voit à peu C'est près vrai. le niveau de production qu'il faut pour faire un film. Donc là, il veut faire 4 films Avatar plus 3 films Terminator. Je pense qu'il pense être immortel. Mais c'est pas le cas. Donc voilà, à moins que ce soit un T-800 envoyé du futur, ce qui est possible, hein. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment possible que ce soit un genre de, voilà, un cyborg. C'est la seule explication logique pourquoi Ouais, il enfin, ferait ce. il y aura pas une touche à activer pour le rendre plus rapide parce qu'Avatar 2. Ouais, non, mais Et là. dites-vous qu'Avatar 2, on devait l'avoir depuis 2014, et il va C'est arriver en ça, mais 2020. c'est n'importe quoi, mais. Enfin. Franchement, je sais pas quel âge il doit avoir plus de la soixantaine. 63 ans, voilà. Il a 63 ans, 63 James ans. Cameron. Et il a déjà prévu 8, ouais, 8 films. 8 films, alors qu'il a sorti 2 films en l'espace de 20 ans. C'est n'importe quoi. Enfin, voilà. Parce qu'il a été. Enfin. Surtout qu'il a dit que aller voir Terminator Genesis, c'est vraiment la continuation de mon histoire, c'est vraiment ce que je voulais voir de Terminator. Clairement, je pense que personne d'autre est de son avis, parce que Genesis, c'était une horreur infâme, un des pires films à sortir cet été-là, et vraiment, c'était assez déplorable. Et là, il a annoncé qu'il voulait faire 3 films. Terminator, c'est vraiment n'importe quoi. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Bah, alors moi je veux bien troquer une franchise Terminator contre Avatar et encore parce que bon là je boude un peu, je crache un peu le truc mais je pense que quand on verra la première bande-annonce d'Avatar 2 on va pleurer tellement ça va être beau. Ça je le sais parce que Cameron voilà. Oui, Après j'aime... En fait Cameron il a les défauts de ses qualités, les qualités de ses défauts. C'est-à-dire qu'il prend son temps, c'est un défaut. Mais c'est une qualité aussi, parce qu'il ne fait oui. pas des films de manière industrielle. Néanmoins, je trouve qu'il devrait effectivement se dépêcher un petit peu. Parce que, bon, dans le cas d'Avatar, je suis d'accord avec, enfin, je suis d'accord avec lui, je peux comprendre qu'il ait envie de peaufiner la technologie, etc. Sauf que le scénario, visiblement, il est déjà écrit. Donc à force, il va prendre la poussière, et puis il faudra peut-être, enfin voilà, peut-être des trucs à modifier aussi. J'aime l'ambition de ce mec, mais bon... Il est aussi crédible que moi quand je dis que j'ai des projets dans la vie, quoi. C'est-à-dire qu'au Ouais. bout d'un moment, il faut que ce soit du concret. Donc j'aimerais bien qu'Avatar 2 soit officiellement en train d'être tourné, que je me dise enfin ça arrive. Et quant à la franchise Terminator, oui, ce serait, je pense, pas plus mal de faire ça. Si lui reprend les rênes au scénario, à la réalisation, je veux bien, hein, franchement. Oui, Il peut même alors en faire qu'un seul, ça va. Hein. c'est ce que j'ai caché quand j'ai annoncé la news, c'est que. Donc là, il a les droits de Terminator partout dans le monde, sauf aux États-Unis, et les droits de Terminator vont lui revenir dans 1 an et demi à peu près. Il est en train de, pour les États-Unis justement, pour la distribution aux États-Unis. Donc il est en train de négocier, etc. avec la Fox, il me semble. Non, c'est la Fox qui produit ça, je sais même plus maintenant. Voilà. Donc pour faire ces 3 films qui devraient continuer après Terminator 2, donc. Le film qui disait ouais c'est génial c'est la suite c'est vraiment la suite que je voulais faire donc Terminator Genesis au placard et plus Emilia Clarke plus Jason Clarke pour certains c'est tant mieux et on va dire qu'on est à peu près tous d'accord mais voilà et que ce serait potentiellement mis en scène par Tim Miller qui a réalisé Deadpool on s'en souvient un super film super bien réalisé. Oh, génial. Donc qui est en négociation avec James Cameron depuis janvier dernier voilà donc apparemment James Cameron serait au scénario toujours heureusement j'ai envie de dire mais voilà ce serait peut-être réalisé par Tim Miller qui s'est pas éclairé une scène donc voilà. Qu'est-ce que tu... Voilà, je voulais garder cet effet de surprise après avoir dit que James Cameron avait pété un câble. Qu'est-ce que tu penses de Tim Miller en tant que réalisateur pour Bah, Interminator? génial, Deadpool, formidable. C'est trop bien Deadpool parce que c'est trop violent et puis non, non, je peux pas. Tim Miller, je ne peux pas. Je ne peux pas. Enfin, en tout cas dans Deadpool, hein, attention. Ouais. Donc, mais en fait, le petit truc aussi dans l'histoire, c'est que si jamais c'est Tim Miller, enfin si c'est un réalisateur tiers qui réalise ce film, on va avoir James Cameron qui va dire que c'est la meilleure suite Ouais, Terminator qui a jamais voilà, été faite, ce c'est qu'il avait ça. dit pour le 5, qu'il avait dit pour le 4. Donc bon. Ouais. Et on va peut-être réhabiliter Terminator 3, qui est très bien, le soulèvement des machines, réalisé par Jonathan Mostow, qui est excellent. Moi, je le trouve excellent. Ouais, enfin, ouais, c'est clairement pas au niveau du 1 et du 2, mais Non, mais au moins la fin est cohérente, elle est logique, pour ouais, moi. non, non, franchement, enfin, c'est vraiment pas un mauvais film, quoi. C'est un très bon film, mais voilà, c'est clairement pas du niveau du 4 ou du 5 qui sont des atrocités sans Voilà. nom. Voilà, donc pour moi, Oh, le 5, comme. ça va. Non, alors, le 5, j'avoue, Ah non, non, non, j'ai été diverti. Mais bon, non. Non, mais Emilia Clarke en Sarah Connor, c'est non. non, mais. Oui, non, mais pour moi, c'était le seul truc à peu près cohérent parce qu'elle lui ressemblait un petit peu, quoi. Et c'est tout. Enfin, dans ce film, c'était juste de la destruction de Terminator 2. C'est tout ce que ce film avait envie de faire. C'était détruire sa propre mythologie. Il a réussi à le faire. Hein. Mais voilà. En plus, ben, on ne sait pas comment ça va se passer avec Arnold Schwarzenegger. Qu'est-ce qu'ils vont en faire? Est-ce qu'ils vont reprendre pour le rôle de T-800? Ah, un déambulateur. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'ils vont refaire l'immondice qui a été fait dans Genesis, qui était cet acteur bodybuildé avec la tronche d'Arnold Schwarzenegger qui ressemblait à que dalle sur sa gueule? Enfin voilà. C'était dégueulasse sur Genesis, hein. Mais on ne sait pas vraiment ce qu'il va en faire. J'espère qu'il va reprendre un peu l'esprit et qu'il va se concentrer sur des choses. Enfin voilà, déjà qu'il nous fasse Avatar 2, qu'il nous a promis depuis 10 000 ans. Et puis après, on verra ce qu'il pourra faire avec le temps qui lui reste, on va dire. Voilà, c'est dommage, je trouve. Surtout, enfin, James Cameron, il aime beaucoup les effets d'annonce énormes. Il va pas produire. Une suite à Terminator, il va à Terminator 2, il va produire 3 suites à Terminator, il va produire 4 suites à Avatar. Non mais enfin voilà, c'est un peu, je trouve, grandiloquent, pour en dire. Passons à une autre annonce qui, voilà, qui, on parlait avant d'Albator de Nicky Larson, donc on va parler d'un autre manga animé, slash animé, qui sera réalisé par un français slash belge. Albator, qui aura un film live par le réalisateur de Dick Neck, Olivier Van Hoofstadt, qui était le réalisateur de Dick Neck. Qui va réaliser un film live Albator, donc Captain Harlock pour la version originale, qui sortira en 2020. Donc bien sûr le mince le manga et l'animé étaient sortis dans les années 60-70. Leiji Matsumoto, un très grand nom de l'animation japonaise. Albator, qui est vraiment cool, hein, enfin, c'est un peu dur à regarder maintenant, mais en tout cas, à lire, c'est toujours aussi dynamique et toujours aussi frappant que dans les années 60, en manga en tout cas, et c'est un très très bon manga. Moi, j'étais pas fan de la version animée japonaise 3D qui avait été faite en 2015, si je me souviens bien. Je m'étais même endormi deux fois devant le film, c'est pour dire, au cinéma. Et c'est assez rare que je m'endorme au cinéma, mais là c'était vraiment que c'était chiant. Donc voilà, moi j'ai beaucoup de mal avec Dick Neck. Je sais que c'est culte pour certains, que c'est une comédie culte pour certains. Moi je trouve le film pas drôle, et comme on disait pour Nicky Larson, l'humour c'est subjectif. Donc voilà, moi j'ai regardé les 20 premières minutes de Dick Neck et je me suis emmerdé, j'ai pas rigolé une seule fois. Et quand je rigole pas pendant 20 minutes à une comédie, j'ai envie de dire j'arrête parce que je vais pas me faire du mal à regarder 1h10, 1h20, 1h30. Donc voilà. Pour ce qui est de Albator, j'aime beaucoup Captain Harlock slash Albator. Pourquoi pas, mais moi ça me donne pas envie comme ça quand j'entends parler du réalisateur de Dickoney qui va faire une adaptation d'Albator qui est quand même quelque chose d'assez sérieux, qui est pas très comique, qui a certains aspects comiques, mais c'est pas, enfin, c'est 5% de toute l'histoire qui est comique, c'est après le reste c'est assez sérieux, donc voilà, à voir ce qu'il va en faire. Dickoney c'est pas non plus. Enfin, une des seules qualités à peu près de ce que j'ai vu de Dickoney, c'est que c'était pas non plus réalisé, mal réalisé, on va dire. Il savait quand même tenir une caméra, faire des plans assez intéressants. C'est tout ce qu'il y avait d'intéressant dans Dickoney, pour ma part. Donc voilà, je suis pas super confiant, mais comme je disais pour Nicky Larson, j'attends d'en voir plus pour donner un avis vraiment assez plus concret. Voilà. Alors, Morgane, est-ce que tu as vu Dickoney? Est-ce que tu connais Al enfin est-ce que tu as vu Albator? Est-ce que ça t'intéresse? Voilà, ces trois questions. Non, non Non. et non. Ok, voilà. Je n'ai pas vu Albator, je n'ai jamais vu Dickeneck, même si je sais que c'est culte et qu'il y en a pas mal qui citent les répliques à longueur de temps. Voilà. Est-ce que ça m'intéresse? Bah, ouais, pourquoi pas. Enfin, là, comme ça, non. Ok, Pourquoi voilà. pas, mais non. Voilà, donc bah, on va passer à la suite, hein, quelque chose qui est plus intéressant quand même. Donc la première bande-annonce de Mother, le prochain film de Darren Aronofsky qui sort très très bientôt, le 13 septembre au cinéma. On retrouve Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris dans ce thriller psychologique, pardon. Qui va raconter l'histoire d'un couple qui est en apparence heureux, mais qui se voit envahi par des invités inattendus et dont la présence coïncide avec des événements mystiques. Voilà, c'est à peu près le synopsis qu'on nous a donné. voilà, je vais d'abord laisser parler Morgane de ce qu'il pense de la bande-annonce et ce qu'il est intéressé par le film. Est-ce que tu es intéressé par le film? Ah, énormément, ouais. Déjà, vous pourrez voir les grosses similitudes entre les affiches de Black Swan et de Mother. C'est Oui, voilà, avec les c'est vrai. visages fissurés. Voilà. Aronofsky aime briser les visages. Bon. Dans le cas de la bande-annonce, j'ai hype à 200%. Ouais. C'est-à-dire que ça a l'air glauque, malsain, dérangeant, bizarre, étrange, c'est tout ce que j'aime. Et c'est un huis clos. Et c'est un huis clos en plus, alors là, le casting, je suis convaincu aussi. Même si beaucoup ont tiqué sur la différence d'âge entre Jennifer Lawrence et Javier Bardem, moi ça me choque Écoute, pas. on est Donc. à un âge où le président, enfin, voilà, enfin, on est à un âge Oui. où on peut marier quelqu'un qui est plus jeune, ou, enfin voilà, c'est pas quelque chose d'extraordinaire, je dirais. Non, et puis moi ça me dérange pas, cinématographiquement parlant, ça peut passer. Voilà, Je c'est ça. pense que Jennifer Lawrence va être, je pense, nommée à l'Oscar à coup sûr, hein, avec un film comme ça. Ouais, je Est-ce pense qu'elle aussi. l'aura, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, j'attends beaucoup de sa prestation. Et aussi le plaisir de revoir Michelle Pfeiffer dans un, je pense, rôle à la hauteur de son talent, parce que bah, je trouve Ouais, c'est qu'on vrai n'a qu'elle a jamais été un peu retrouvé la oubliée ces Michelle. dernières années. Bah, oublié à cachetonner, quoi. Elle faisait beaucoup Ouais. dans des je crois dans des seconds rôles, dans des comédies romantiques, un peu Ouais, genre Vive ma vie de Saint-Valentin, ma Saint-Valentin et moi, au au secours secours. Saint-Valentin, SOS détresse à la Saint-Valentin, des trucs comme ça, quoi. C'est un peu la Julia Roberts moins listée, on va dire. Donc c'est un peu dommage. Et il y a Ed Harris en plus, donc Ah oui, ouais. voilà. Non, mais il y a que du bon, hein, Que du casting. bon. En termes de casting, voilà, Aronofsky, voilà, et j'aime aussi peut-être ce mélange entre. Est-ce que ça va être de l'horreur un peu fantastique? Est-ce que ça va être de Ouais, l'horreur rationnelle? Voilà, on sait pas on encore. sait pas vraiment, et je trouve que ça me donne envie d'aller voir en salle le résultat. Et Aronofsky peut faire des films très très perturbants psychologiquement, et j'espère qu'il va être comme ça, quoi. Donc en tout Ouais, cas, je l'attends ouais. beaucoup. Alors, moi, Darren Aronofsky, c'est un de mes réalisateurs préférés, franchement. Enfin, je crois qu'il y a Spielberg, Kubrick et Aronofsky. Voilà, pour moi. C'est vraiment un de mes réalisateurs fétiches. J'ai vu tous ses films. Et pour moi, il a fait aucun mauvais film, même si The Fountain, c'est peut-être un peu plus dur à regarder, mais il y a quand même des très très bonnes idées. C'est quand même un excellent film. The Wrestler. The Wrestler, j'adore. J'adore The Wrestler. Black Swan, c'est un de mes films préférés. Je sais que tu n'aimes pas autant, mais, ouais, mais justement, Black Swan, on ne sait pas. Enfin, ce qui est bien avec Black Swan, c'est qu'on ne sait pas si l'horreur, enfin, est-ce que c'est fantastique, est-ce que c'est plus réaliste, etc. C'est jamais vraiment défini. Et ça, c'est ce que j'adore avec Aronofsky. Que ce soit son premier film Pi, enfin, Requiem for a Dream. Et même Noé, quand je l'ai vu en salle, j'étais un peu déçu, mais quand je l'ai revu, finalement, j'ai beaucoup plus aimé. Pour moi, Aronofsky n'a jamais fait de mauvais film, et je pense pas qu'il va commencer avec Mother. Ça a l'air excellent, c'est vraiment tout ce que j'attends d'un nouveau film d'Aronofsky. Et le seul truc que je suis désolé de pas avoir fait, c'est, enfin, on connaissait pas encore la date de sortie de Mother. Je pensais qu'il sortait en 2018, et si je savais qu'il sortait en 2017, je l'aurais mis en numéro 1 ou 2, même en numéro 1, j'aurais mis devant Star Wars dans mes attentes 2017, parce que voilà, Aronofsky, c'est un des meilleurs réalisateurs actuels à mon avis. Et il a pas fait non plus énormément de films, enfin, il n'a pas une filmographie énorme, mais elle est très qualitative. Donc, si je peux juste vous donner un conseil, c'est replongez-vous dans tous ses films, c'est excellent. Il y a du bon partout dans toute sa filmographie. Et voilà, Mother, je suis très impatient. Comme tu as dit, j'aime beaucoup. Est-ce que ça va être de l'horreur fantastique ou plus plongé dans le réel? Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Et puis ça a l'air glauque, à souhait, c'est du huis clos, enfin c'est tout ce qu'on aime quoi. Donc il n'y a pas de raison que ça nous déçoive. Voilà. J'espère juste que voilà que la révélation sera à la hauteur de nos attentes. C'est tout ce que je peux attendre et j'espère que ce sera le cas. Passons à un film un peu plus confidentiel, mais vraiment intéressant aussi. La Passion Van Gogh, pardon, qui est un film d'animation réalisé par Dorota Kobiela et Hugues Welchmann. Donc c'est un peu un film historique, puisque c'est le premier film d'animation où chaque plan a été peint à la main, enfin qui a été chaque plan a été est une peinture à l'huile, peinte à la main par 90 artistes venus du monde entier. Donc c'est un travail titanesque, vous pouvez l'imaginer, et à la vue de la bande-annonce, ça se voit. Donc ça retrace un peu la vie de Vincent Van Gogh, qui n'était pas simple, dirons-nous. Voilà, ça a l'air vraiment très spécial, mais en même temps très intéressant. Ils reprennent les œuvres, bien sûr, les 120, plus de 120 œuvres du peintre. Ils les refont dans le film et ils les animent. Et déjà, visuellement, ça a tombé par terre. Au niveau casting vocal, on a Pierre Niney. Non, pardon. Ça, c'est la version française, mais en tout cas, au niveau les acteurs qui ont vraiment joué dans le film, parce que ils ont pris la tête des acteurs et ils les ont peints. Cyrus Ronan, Douglas Booth, Chris O'Dowd, Aidan Turner, Ellen McCrory. Voilà, c'est les acteurs qui sont dans le film. Et Pierre Niney qui prêtera sa voix à un des personnages. Il est sorti au Festival du film d'Annecy, il a été acclamé là-bas, il a remporté le prix du public, Festival du film d'animation d'Annecy, et il sortira le 11 octobre 2017, et moi je suis très impatient de le voir. Depuis les premières images qui étaient sorties, j'étais déjà très impatient de voir le résultat animé, parce qu'on voyait que des images, bien sûr, on voyait des peintures, on ne savait pas vraiment comment ça allait se faire, et là le résultat est assez bluffant. Donc moi, si je peux vous donner un conseil, c'est regarder la bande-annonce, parce que ça, moi en tant que fan d'animation, ça m'a foutu par terre. Morgane, est-ce que tu as vu la bande-annonce? Pas du tout. Et D'accord. honnêtement, la manière dont t'en parles, ce que t'en dis sur le côté peint à la main, etc., ça m'intéresse. Ouais. Voilà, juste d'un point de vue graphique. Ouais, d'un point de vue juste, même si l'histoire est à chier, on va pas se faire chier dans le film, parce que ce sera, enfin, Ce sera un délice pour les yeux parce que tout est animé, toutes les peintures sont animées et ça a l'air génial, quoi. Vraiment. Donc je Ouais, pense que ouais. franchement, ouais. Donc ça t'intéresse du coup. Ouais, Ouais. franchement, oui, ça m'intéresse. Ouais, franchement, ça m'intéresse. Et après, voilà, Van Gogh, je sais pas non plus. Voilà, mais en tout cas, rien que d'un point de vue graphique, ouais. Ouais, ok. Voilà, donc c'est tout ce qu'on voulait dire sur ce film. Voilà, je vous conseille de voir la bande-annonce. Au moins pour vous faire un avis et voir vous-même le travail titanesque de ces artistes. Donc, passons maintenant à un réalisateur qu'on adore, tous les deux. C'est Quentin Tarantino. Puisqu'on se demande toujours, Quentin Tarantino qui a annoncé qu'il fera 10 films dans sa carrière, il est arrivé au 8e avec Les 8 Salopards. On se demande toujours quel sera le sujet de son prochain film. Et il y a des rumeurs comme quoi Quentin Tarantino ferait un film sur les meurtres de Charles Manson, avec en tant qu'acteur principal, qui pourrait être au casting, Brad Pitt, Jennifer Lawrence et Margot Robbie. Donc ça c'est aussi une rumeur qui a été rapportée par The Hollywood Reporter, donc une source assez sûre aussi. Charles Manson, qui est un serial killer des années 60, qui a notamment tué l'épouse de Roman Polanski à l'époque, Sharon Tate, qui est actrice, en 69. Voilà. Quentin Tarantino qui s'attaque à ce projet, est-ce que ça te donne envie? Comme ça, l'idée. Oui, et d'ailleurs, je suis curieux de savoir ce qu'en penserait Roman Polanski, Ah, quand clairement, même. là. Ouais. Voilà, parce que par Tarantino, je pense pas qu'il va rendre ça, on va dire, très, on va dire, Dramatique. Enfin, ouais. dramatique, classique. Je pense qu'il y aura quand Ouais, même une c'est part ça. de fun un peu prononcée. Quoique, parce que Les 8 Salopards, il n'y avait rien de fun du tout, donc il peut peut-être Ouais. partir dans un vrai polar très sombre, on ne sait jamais. Et j'espère qu'il ira là-dedans, quand même. Ouais. Parce que, voilà, Django, pour moi, a ses défauts. Les 8 Salopards avaient ce ton très sérieux, horrifique, qui me faisait que pour moi Tarantino se renouvelait et proposait quelque chose qui n'était pas du tout dans ses habitudes de réalisation et de narration surtout. Donc là j'ai hâte de voir ce qu'il va en faire. Après voilà, en matière de casting, Margot Robbie, bon, pas non plus, non. Ouais, c'est Non. clair, mais enfin, j'ai pas vu le loup de Wall Street, pardon. Ouais, mais Je pour sais moi, pas si. Margot Robbie, voilà, elle est bien que dans le Loup de Wall Street, mais au-delà de ça, elle est surcotée, en fait, je trouve. D'accord, ok. Voilà, et honnêtement, Harley Quinn, n'importe qui aurait pu faire ce qu'elle a fait. Hein. N'importe Oui, qui. bon, à Donc, mon bon. avis, il y a aussi de la direction d'acteur qui n'était pas terrible là, sur Oui, cette mais fois. même. Oui, voilà, après, bon, dans le Loup de Wall Street, elle faisait. Enfin, voilà, son rôle n'était pas non plus Oui, je énorme. pense Elle était pas, ouais. très bien, mais c'était. Voilà, je suis plus impatient de voir Jennifer Lawrence chez Tarantino que voilà. Et Brad Pitt de nouveau, hein, après Inglourious Basterds. Brad Pitt de nouveau, c'est ça. Ça pourrait être vraiment cool. Ouais. Donc voilà, on n'en sait pas plus à part ce que je viens de vous dire. Donc moi, de toute façon, Tarantino, quand il se lance dans des projets, je suis quasiment tout le temps ok. Il y a rarement des projets où je me suis dit, ah, c'est vraiment pas pour Tarantino. Ça pourrait vraiment clairement être un très bon soit polar, enfin parce que je sais pas s'il osera faire un truc fun avec cette histoire. C'est quand Il même, ose tout, enfin. Tarantino. Hein. Et je Ouais, pense il qu'il va ose peut-être le tout. teinter de fun, mais ce Ouais. sera quand même très, très, très, Ouais, très sérieux. Hein. je pense quand même. Donc voilà. On verra ce que ça donnera. J'espère que le scénario ne fuitera pas comme pour les 8 salopards. Comme ça, il n'y aura pas toute cette histoire. Est-ce qu'il arrête le film ou pas? Mais en tout cas, voilà. C'est toujours cool de savoir que Tarantino travaille sur un prochain film. Et une histoire qui je crois, n'a jamais été racontée dans un film, si je me trompe pas. Alors, je peux me tromper, hein, je suis pas un méga fan, enfin, je suis pas tous les trucs sur Charles Manson, hein, je veux bien vous l'avouer. Je sais pas s'il y a eu un film sur cette histoire déjà, mais en tout cas, s'il y a un film par Tarantino, ça peut être vraiment intéressant à voir. Voilà, passons à Star Wars. Un nouveau spin-off a été annoncé. C'était une rumeur qui était assez persistante et qui est sur le point d'être officialisée par Lucasfilm, comme quoi un spin-off sur Obi-Wan Kenobi est en développement chez Lucasfilm. c'est toujours reporté par The Hollywood Reporter, et qui, voilà, qui sera sur le personnage d'Obi-Wan Kenobi. Aucun scénariste pour l'instant. Pas de, enfin, il y aurait le Britannique Stephen Daldry qui est actuellement en né négociation pour la mise en scène. On lui doit Billy Elliot et The Hours. Et Philomena, non, je crois. Alors c'est possible. C'est possible. Ah non, non, non, c'est Stephen Frears, ça. Je les confonds. Je les Ok. confonds. Voilà. Donc qui c'est le premier blockbuster pour ce réalisateur. Il est en négociation, pardon. Donc on ne sait pas encore. Et on ne sait pas encore quand se passera l'histoire. Est-ce que c'est entre le 3 et le 4, ce qui serait un peu logique. Mais après, ils peuvent nous faire des surprises. Que soit ça se passe pendant la prélogie, j'espère pas. Avant ou même, enfin, ce serait un peu difficile de le faire. Je pense que le plus logique des suppositions qu'on puisse faire, ce sera, enfin, le film devrait se passer entre le 3 et le 4. C'est là où on sait pas grand-chose de ce qui s'est passé avec Obi-Wan Kenobi, et c'est là, je pense, où il y a des histoires à raconter. Voilà, on sait pas encore qui c'est qui va interpréter le film, le rôle. Ewan McGregor, bien sûr, qui avait interprété dans la prélogie, est peut-être en discussion, on n'en sait pas encore, on sait rien encore là-dessus, mais voilà. Là, c'est pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait sur ce spin-off à cette date précise. Alors, Morgan, je sais qu'on parle beaucoup de spin-off de Star Wars. Est-ce que ça t'intéresse de voir un spin-off sur Obi-Wan Kenobi? Et est-ce que l'histoire entre le 3 et le 4, enfin, est-ce que Ewan McGregor te paraît un bon choix? Ah oui, pour moi, il n'y a que lui qui peut le faire, mais spin-off Star Wars, on peut plus, moi. Non, non, je commence un peu à saturer là, alors que les spin-offs sont pas encore sortis, à part Rogue One. Mais franchement, là déjà celui sur Han Solo, ça m'annonce pas grand-chose de bon. Enfin, je sais pour qui, je sais pas là. Le problème c'est qu'ils sont en train de d'étirer Star Wars, de transformer ça en produit dérivé. Et en fait, je crois que Star Wars c'est la première fois qu'ils vont faire des produits dérivés au cinéma. Ouais, Alors voilà, c'est qu'avant on ça, les c'est sortait clair. en jouets, on les sortait en jeux vidéo, on les sortait en livres. Maintenant, il y aura des produits dérivés au cinéma. Donc c'est un C'est ça. concept qu'ils inventent. Et je sais pas si je suis totalement pour. Après, ouais, le réalisateur de Billy Elliot, j'adore Billy Elliot, c'est un très grand film, mais bon, je suis pas très très très emballé par un spin-off sur Obi-Wan, quoi. Loin de là. Ouais. Bah ouais, moi c'est à peu près pareil, hein. On le dit à chaque fois qu'il y a un spin-off qui est annoncé. En tant que fan de Star Wars, ça m'attriste beaucoup de voir Star Wars au cinéma relégué à un simple produit commercial. Parce que, ok, tout ce qui est à côté, c'est des produits commerciaux, ça on l'a jamais questionné. Mais pour moi, au cinéma, c'est avant tout le film, c'est une œuvre d'art, c'est pas un jouet, c'est pas un jeu vidéo, même si certains jeux vidéo, ok, enfin, peuvent être, par exemple, enfin, il y a certains jeux vidéo Star Wars qui sont très bien et qui sont, voilà, mais c'est des produits dérivés, comme tu disais, et voilà, des produits dérivés au cinéma, ben ça m'intéresse pas personnellement, c'est pas quelque chose que je vais rechercher au cinéma. Et ils sont en train de marveliser Star Wars, comme on le dit depuis des années. Même leurs films d'animation, ils en font plus attention. Leurs films d'animation, ils les sortent une fois tous les 2 ans, quelque chose comme ça, une fois tous les 3 ans chez Disney. Et c'est parce qu'ils prennent le temps, ils font attention à l'histoire, etc. Et là, ils sont en train de partir dans tous les sens, vraiment. Même si peut-être qu'ils ont la trilogie actuelle ils l'ont déjà mise en place, ils l'ont déjà planifiée, etc. Et c'est déjà écrit, tout est déjà écrit, tout est déjà fait. Mais après, nous sortir à chaque fois, enfin se disperser comme ça à chaque fois, sortir des spin-offs sur Obi-Wan, sur Han Solo, sur ce qui se passe entre le 3 et le 4, enfin voilà, les vols de l'étoile noire, je sais que je le répète souvent, mais Rogue One, ça tient sur une réplique enfin, une ligne de réplique dans Star Wars, le premier du nom. C'est, enfin voilà, il cherche des spin-offs où, enfin, n'importe où, et moi je suis pas fan de ça personnellement. C'est pas quelque chose que j'ai envie de voir arriver à la saga Star Wars. Donc voilà, je suis un peu attristé. Alors pour moi, vous savez, mon amour entre guillemets pour la prélogie, c'est pas des films que j'apprécie énormément, même si le 3 est quand même beaucoup mieux que les deux premiers. Surtout le 2 qui est horrible. C'est un avis personnel, bien sûr. Voilà. Et pour moi, un des seuls points positifs de Star Wars, et encore, je trouve que dans le premier, La Menace Fantôme, mais ça, c'est à cause d'une mauvaise direction d'acteur, il jouait mal. Mais le seul point positif, c'était Ewan McGregor en Obi-Wan Kenobi. C'était un des seuls trucs qu'on pouvait retenir par rapport à Anakin Skywalker, là, qui chiale partout, qui fait, enfin, qui, c'était n'importe Il quoi. boude, il fait sa crise d'ado. Voilà, mais il fronce les sourcils parce qu'il est énervé. Enfin voilà, c'est depuis quand on a, enfin, c'est des techniques d'acteurs muets pour jouer au cinéma, quoi. C'est des techniques des années 20 pour un film des années 4, enfin des années 2002, quoi. Enfin, c'est n'importe quoi. Voilà, je vais pas reparler de la prélogie. Mais voilà, pour moi, à part dans La Menace Fantôme, où je trouve que tout le monde est mal dirigé et tout le monde joue mal, à part peut-être Palpatine. Après, je trouve qu'il va mieux dans L'Attaque des Clones et dans La Revanche des Sith, Ewan McGregor, c'est un des seuls points positifs de la prélogie. Donc, s'ils doivent faire un film Obi-Wan Kenobi et qui se passe entre le 3 et le 4, au moins reprenez-nous Ewan McGregor, parce que sinon vous êtes bien empêtrés dans votre situation, je pense. Parce que là, je sais pas comment vous allez vous en sortir si Ewan McGregor n'accepte pas de faire le film. Et d'ailleurs, si je me souviens bien, enfin, on lui parlait assez souvent des spin-offs, et il n'était pas non plus méga emballé. Alors je sais pas s'il a changé d'avis depuis, mais voilà. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Du tout. Ok, on passe à la fin, enfin à la fin, à la dernière news. Sur Gremlins 3, on en parlait il y a assez longtemps, comme quoi Gremlins 3 était en projet, et effectivement, Chris Columbus, scénariste des deux premiers, entre autres, et aussi réalisateur de Maman j'ai raté l'avion, enfin voilà, les deux premiers Harry Potter, j'en passe des meilleurs, vient de terminer le troisième scénario, qu'il annonce comme tordu et sombre. Et Morgan disait qu'il était peut-être en train de vouloir le réaliser. J'ai pas lu ça, donc je peux pas non plus le confirmer. Mais voilà. En tout cas, il a au moins scénarisé le film. Après, on n'a pas encore de réalisateur annoncé officiellement. Est-ce que toi, tu es intéressé par Gremlins 3, toujours scénarisé par Chris Columbus, et que ce soit tordu et sombre? Bah, tordu et sombre, Chris Columbus, pour moi ça colle pas. J'aime beaucoup Chris Columbus. En tout cas, voilà, Chris Mais il a Columbus, c'est. scénarisé Gremlins 1 et 2, c'est quand même, enfin, c'est pas. Oui, mais je pense que ça tenait avant tout à la réalité de Joe Dante. Joe Dante. Ouais. Donc, je pense pas que ça tenait au scénario de Columbus. Je trouve que, voilà, Columbus, bon, c'est Madame Doubtfire, c'est Oui, Madame de Fayard aussi. Maman j'ai raté l'avion, c'est les deux premiers Harry Potter, même si Harry Potter 2 est quand même assez sombre. On a tendance à dire qu'Harry Potter 3 c'est le moment où ça devient sombre. Non, je pense que le côté sombre arrive à partir du 2. Même Le dans 2 le 1, c'était un petit basculement, il y a des moments assez flippants. Ben ouais. Voldemort à la fin derrière la tête de Quirrell, pour moi c'est quand même Ben ouais. les gens qui disent c'est un peu enfantin, excusez-moi, hein, la chambre des secrets avec le basilic qui se promène dans les couloirs, je trouve pas ça si enfantin que ça. Moi j'ai des cauchemars d'enfance avec l'échiquier dans Harry Potter 1 que je trouve flippant personnellement. C'est vrai, c'est vrai. Voilà. Donc voilà, maintenant Chris Columbus, ça, on parle de ses anciens films entre guillemets. Entre deux, il y a eu Percy Jackson et il y a eu Pixels, qui sont quand même. Bon, Oui, c'est Percy vrai. Jackson, ça Voilà. passe une fois, pas deux. Pixel, ça passe pas. Pixels, ça passe pas. Donc voilà, donc je me dis, si c'est l'ancien Chris Columbus, pourquoi pas, même si je reste persuadé qu'il faut Joe Dante à la réale. Après, si Chris est au scénario, j'ai envie de dire, il peut y aller. Mais bon, il faut vraiment qu'il y ait Oh, un mais ce serait réalisateur tellement derrière bien que Joe qui. Dante Voilà. reprenne. Mais je pense pas qu'il le Oui, ce fera. serait bien. Je pense, enfin, je sais pas. On verra bien, mais ouais, moi aussi, je suis assez content déjà que Columbus ait écrit le scénario. Voilà. Ben, au niveau des réalisateurs, qu'on peut espérer, en premier Joe Dante, en deuxième Chris Columbus, en troisième, on espère personne d'autre, quoi. Enfin, si, Ouais, c'est ça, il plus ou peut y moins. avoir des bons réalisateurs qui peuvent venir sur la saga, mais à mon avis, il n'y a personne d'autre qui connaît aussi bien l'univers que Chris Columbus et Joe Dante. Voilà. Les effets numériques, on espère, ne seront pas trop utilisés et qu'il y aurait plus de marionnettistes, d'effets, voilà, des effets réalistes. Ouais, voilà, que ce soit des marionnettes comme pour les premiers, enfin, pour les deux premiers, ce serait bien. Plus parce que enfin voilà, on n'a pas envie de voir des Gremlins en 3D, clairement pas. Oh, canon, non, non, non, non. Voilà. Voilà, c'est sur cette note Gremlins en 3D pour vous faire peur qu'on va se quitter. Merci beaucoup Morgane d'avoir participé à cette émission. Toujours un plaisir de le faire avec toi. Mais de rien. Merci à vous les auditeurs d'avoir écouté cette émission qui doit faire à peu près 2 heures, j'imagine. Même si ça fait 2h30 qu'on enregistre, on n'explique pas les conséquences. Ouais, j'ai une biscotte à manger entre deux. Voilà. Voilà, donc on va rappeler rapidement où vous pouvez y retrouver. Donc sur moviesnerd.net, c'est le site où vous pouvez retrouver les critiques et les podcasts et les émissions. Voilà. Sur les réseaux sociaux, c'est Facebook et Twitter, donc moviesnerd sur Facebook et movies_nerd sur Twitter. Sur Sens Critique, vous pouvez noter le podcast si vous avez envie. Aussi, le plus important, c'est sur PodCloud et sur iTunes de mettre des petites étoiles et mettre un petit commentaire. Ça permet de nous faire monter dans les classements des podcasts francophones. Voilà, donc ça, c'est toujours très très apprécié si vous le faites. Quant à moi, vous pouvez m'en trouver sur Twitter, Sens Critique et Movies Nerd, c'est TheLexal, THELEXAL. Voilà. Et maintenant, je vais laisser la parole à Morgane. Sur Twitter, @CinéMorgane, Morgane Cinéman, et sur Vodcaster, Cinémaniac. Nickel, et on attend cette interview de Michel Hazanavicius. Non, je vais essayer de négocier. Ouais, ouais, il m'avait dit. Voilà. Ouais. Mais on promet rien. Hein. S'il peut pas, Morgane, il peut pas. Hein. C'est enfin, voilà. Ne vous attendez pas à une interview. Ouais, je vais essayer. Hein. Voilà. Ouais. Voilà. Quant à nous, on vous donne rendez-vous dans un mois à peu près pour le prochain Parlons Cinéma. Ciao. Ciao.